IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bah si, et bah si. Pourquoi pas? Et bah alors, en même temps. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Adrien. Ça va, ça va bien. J'avais pas de demander ça. Oh, pardon. Ah oui. La capitale du Mexique. C'est Mexico City. Ouais, ouais, y avait pas de piège. Peut-être pas, pas ça. Hein, ouais, pas ça, non. Mexico. Pourquoi t'as rajouté City à la fin? Mais je crois que c'est ça. C'est Mexico City. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est Mexico en fait. Mais tu dis Mexico City. Moi, je suis bien des States en fait. Oui, c'est donc, vrai. C'est vrai. C'est comme Boulainville. Mexicoland. Ouais, très bien. Alors, comme à l'accoutumée, nous sommes avec deux invités. Oui. Et oui, notre première invitée est actrice. Les deux invités, point médian E, point oui, médian et oui, S. Et oui, oh là là, il a tout. Notre première invitée est actrice, autrice et humoriste. Son spectacle, La Promesse d'un soir, a c'est cartonné Alison dans Wheeler. Toute la France. Et elle aurait fait d'ailleurs des dates en fin d'année. Ouais. Et oui, à Lille, Bordeaux, Le Mans, Le Havre, Paname. Paname. Le Grand Rex. Paname City. Et non pas on le Grand là-bas. Texte. Paname City. Si je... Oui, c'est vrai. Elle joue dans le film Avignon, qui sort le 18 juin. Ouais. Alors, eh. Comme le général de Gaulle répondait à l'appel. Oh. Eh oui, bah oui, non, on essaie de faire réviser le bac. Enfoiré. Non, mais parce qu'à là en ce moment, les lycéens ils révisent le bac. C'est donc vrai. Ça permet d'avoir des petits trucs un peu pédagogiques, c'est cool. Ah, bon, bref, oui. C'est Alison Wheeler. Ouais. Ouais. La Wheeler, la Wheeler, qu'est-ce qu'elle veut? Eh, la Wheeler, elle est là, elle à l'heure, est à l'heure, la Wheeler. Non minute, Wheeler. Hein? Ah, ouais, si. Oula, ils ont foiré. Ah merde, Alison m'a giflé. Si notre, si notre deuxième invité prend un train à 12h52, je suis encore dans des révisions de bac, hein, en partant de la dernière date d'un, à Paris, d'une tournée à guichet fermé de Zénith avec Jérémy Ferrari et un autre sa mère, que le train roule à 200 km/h, mais va de plus en plus vite. Un peu. Comme la carrière de notre invité, puisqu'il oh, enchaîne wow. Les films. Natacha Hôtesse de l'air avec Camille Lou, Nice Girls avec Alice Taglioni, et Jamais sans mon psy avec C'est OK. Quand arrivera-t-il à Avignon, réalisé par Johan Dionnet, qui a reçu 3 prix à l'Alpe d'Huez, ouais. Dont le Grand Prix, le prix du public. Eh bien, vous le saurez le 18 ah, juin. Que le troisième, c'est les moniteurs de ski. C'est le moniteur de ski. Ouais. Tu l'as pas cité, j'imagine que c'est pour ça. C'est ils l'ont changé. Ils l'ont changé. Les moniteurs de ski. Prix c'est moniteurs un autre de ski remis par Thomas Sisley, mais on l'a eu à l'unanimité. On est même fiers. Eh bien, le 18 juin, je vous l'ai dit tout à l'heure. Restez concentrés. C'est Baptiste Le Caplin. Oh, ouais. Le Caplin. Baptiste Le Caplin. C'est pas un demi-K, c'est un Caplin. Oh. Salut les auditeurs du podcast. Comment ça va? Ça va les amis, vous allez bien? Ça ouais, va, ça toi va. Oh là, il enchaîne une là, il est fatigué Baptiste. Bon, non, c'est un petit tunnel. Mais c'est un moment sans. C'est un moment où j'ai peu de temps pour me poser, mais écoutez, il m'arrive des choses formidables. Comme je suis comme en promotion, prendre l'ascenseur. Pas plus tard qu'hier, je suis à Europe 1, je suis en interview, je m'en vais du building d'Europe 1. Est-ce qu'on peut deviner ou pas? Cyril Hanouna court dans les couloirs, je l'évite. Alors là, tu te dis, quel beau bâtiment. Et c'est ma fille, on est trois dans un ascenseur. Et là, attends, on veut deviner. Est-ce et qu'on là, peut deviner qui rentre dans l'ascenseur? Ok. Ah, t'es à Europe 1? C'est le jingle qui rentre dans l'ascenseur. On l'a. Qui rentre dans l'ascenseur? Oui, qui rentre dans l'ascenseur? Ding ding! Ding ding! Présenté par Otis. Ah, vous allez au troisième, moi au 5. Alors, on est au troisième, on doit descendre au rez-de-chaussée. Okay. Qui rentre dans l'ascenseur? C'est quelqu'un d'Europe 1, du coup. C'est quelqu'un d'Europe 1. J'y coupe pas du alors, on l'a. Mouloud Achour? Non. Non. J'ai plus rien. C'est une pépite. Ah, Pascal Pro! Ouais. Qui rentre dans l'ascenseur? C'est un islamophobe. C'est Pascal Pro! Notoire! Qui rentre dans l'ascenseur? Il rentre dans l'ascenseur avec une collaboratrice. As-tu entamé une conversation? Et il a fait ce truc. Non, il a fait ce truc que je déteste. Et Florent va savoir ce qu'il a fait. Ah, il a appuyé sur le bouton avant toi. Il t'a pas demandé où t'allais. Non, il est arrivé dans l'ascenseur. Il parlait et tout. Et il a dégueulé. Mais non, vous n'êtes pas une nobody. Voilà. Ah. Et il se tourne vers nous et il dit pas bonjour. Ah. Et il continue sa conversation. Et là, gars, on a enchaîné les étages. On est monté au 4. On est descendu au 2. On est monté au 5. Longtemps pour je sortais plus de l'ascenseur. Et j'étais là, je me suis dit, putain, mais quel enfer. Mais c'est sa nouvelle émission Pascal Pro à tous les étages. Et surtout, j'étais hyper étonné. Il se retourne, à un moment donné, il nous regarde. Il nous a regardé trois fois, tu vois, pour montrer. Vous avez vu avec qui je suis en train de parler genre. Oui, il était un peu en démonstration. Non, un peu en démonstration. Genre, je parle et en même temps, j'ai envie qu'on m'entende. Comme les gens dans la file d'attente à la caisse qui ont exactement une nouvelle caisse. Et j'étais hyper surpris, c'est qu'il a des verres correcteur, mais de, il a pas la forme Gérard des montures. De pute, quoi. Non, non, mais il a les mêmes verres que le petit vieux dans là-haut. Tu vois? Ah oui, ça lui faisait des trucs. Et je me dis, pour quelqu'un qui a une aussi belle vision de la France, quelqu'un qui voit pas aussi bien, c'est quand même un petit peu flippant. Et le gars n'a pas lâché un bonjour, rien. Et ça m'a, enfin, mais en même temps, tu vois, j'aurais été un peu. Oui, t'as été déçu parce que je sais que tu l'adores. Non, mais j'aurais été un peu mal. Et en même temps, il rentre et qu'il soit hyper sympa, tu vois. Il a dit ok pour un truc hyper sympa, genre, nous les le roi. C'est un bon film. C'est vrai que c'est fou, ça. Eh oui, bah, Pascal Pro. C'est un bon film. Non, mais Pascal Pro est fan de nous les le roi. Tu crois pas? Non, pas fan. Non. Il a dit Laurent Gérard. Mais comment il a comment parce il, que Laurent il s'est disait, exprimé sur le film? Oui, il a oui. donné son avis. Alors on l'a pas mis sur l'affiche, mais Laurent Gérard avait sur le Blu-ray par contre. Laurent Gérard disait il y a un bandeau sur le Blu-ray. Laurent Gérard disait ouais, le cinéma français c'est nul, c'est pas drôle, c'est machin. Et Pascal Pro disait mais vous ne pouvez pas dire ça parce que je suis allé au cinéma ce week-end. J'ai vu Nous les le roi. Bon, c'est un bon film. Bon, tout n'est pas très réussi, mais quand même, on passe un bon moment. Et du coup, il a fait une fin. La fin aurait été peut-être un petit peu. Oui, on sent que c'est pas allé au bout. Ouais. On sent qu'il n'a pas travaillé jusqu'au. Voilà. Il y avait encore cette notion de travail. Mais il a dit. Alors, évidemment, tu me connais. Toutes les semaines, je lui envoie Pascal Pro 5 secondes qui fait Nous les le roi. C'est un bon film. C'est un bon film. Bah, attends, c'est incroyable. Donc, toi, il dit pas bonjour. C'est t'as un film, ça veut dire que t'as fait un film qui rassemble. Mais oui, mais, qui rassemble nationalement, mais ouais. Qui rassemble. Ouais. Mais il a dû aimer le côté terroir, ça parle de la province et tout. Ouais, je pense qu'il a aimé ça. C'est son truc. Bon, chers amis, attendez, on parle, mais c'est le jeu du podcast à un moment. Bah, on est quand même pas que là pour raconter nos lives. Bien sûr, bah, pardon. Magnus Carlsen. Ah bah oui, il a perdu. Non, c'est pas un tennisman. Ah, ça fait vraiment mal. C'est un joueur d'échecs et il a perdu. Oh putain, il est fou. Ah oui, c'est le mec qui a perdu contre. Il est un jeune de 19 ans là. Alors, ouais. C'est pas ça la question. Il a perdu effectivement. Enfin, il a pas il perdu. Il a tapé sur la table et tout. Ah bon? Mais de quoi tu parles? Mais il était énervé d'avoir perdu. Le truc, c'est qu'il s'était jamais. Je trouve qu'il y a de l'eau dans le gaz entre vous. En fait, c'est pour ça qu'on arrête, on s'engueule. Non, mais il y a un délire de genre le gars contre qui il a joué est numéro 1 mondial, mais il s'était jamais affronté. Donc, non, ou l'inverse. Alors, je c'est sais pas l'info que j'ai. Peut-être qu'il a fait ça. Mais du coup, il a perdu. Il a tapé sur la table. Il a fait sorry. Alors là, sur ce match, peut-être. Mais excusez-moi, okay, où est-ce que vous voyez des combats d'échecs? C'est quoi votre il y a autre chose que Roland Garros, Alison. Sors ta tête. J'ai un algo de Gruner d'apparemment, mais du crocodile Lacoste. J'ai que de la terre battue. Non, mais moi, 5 jours de suite à Roland Garros. Non, pas de suite. Bah, t'as fait quoi? T'as fait pas 4 jours de suite? J'étais ivre, mon pote. Ouais. Elle se prend des cuites. Oui, en fait, tu t'es endormi sur place et t'es resté 3 jours. En fait. J'adore le truc de. Alors, il faut pas boire, c'est très grave, mais j'aime bien boire et m'asseoir et regarder un truc. Oui, ça s'appelle la dépression. Okay. Ah, oui, d'accord. Ouais, d'accord. Mon père faisait ça. Il regardait le vide, par contre, mais. Mais t'as vu des beaux matchs quand même? Des très beaux matchs. Parce que c'est ce que je disais en tête. Moi, j'ai découvert, je ne connaissais pas le tennis. Oui. Ma meuf adore. Et j'ai payé. Alors, je le redis, parce que personne va me donner une médaille pour ça. Mais t'es pas une nobody. Je suis pas une nobody pourtant, mais enfin, personne ne m'a invité. J'ai payé mes places et on y est allé. Et j'ai découvert. C'est quand même ce truc génial du sport, même parce que j'en avais rien à foutre du tennis. Hein. Oui, oui. Et de voir ça. Du sport, même en général. Et du sport. Je... Ouais. Comment? Pardon. Mais c'est parce que tu mets des pulls Cannabis Museum qu'on t'invite pas. Tu vas t'inviter. Mais je savais que t'allais mettre Roland Garros. Tu crois que Lacoste ne veut pas m'inviter quand il voit mon look? Aller à Roland Garros, c'est un peu comme commencer à boire du café. Tu vois, c'est un peu un truc de grand. Oui. Putain, j'étais un Roland, c'était cool, quoi. Ah ouais. Je savais que t'allais aimer. Pas au début, quoi. Non, ouais, comme le café. Mais je savais qu'il allait aimer. Non, mais je pense qu'il y a quand même un truc que n'importe et quel. Et tu files un mauvais coton, si je ouais, peux permettre. Ouais, moi, je vire à droite, totalement. Voilà. Mais il y a quand même un truc cool de voir un sport à haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc où là, tu vois des gens très forts dans leur domaine. Et moi, je suis toujours. C'est comme les gens passionnés qui sont passionnants. Bah, je trouve que les gens très forts, ça te donne quoi qu'il arrive du spectacle. J'ai vu Zverev et Djoko. Ouais. Et c'était merveilleux. Jonathan Cohen. Ouais. Je trouve qu'il joue super bien. Il a un revers de fou. Et ce qui était, il s'est passé quelque chose de cocasse. Il y a eu une embrouille en tribune au moment où Djoko allait servir. Quelqu'un il a fait... Non, il y a une femme qui a hurlé. Bon, certainement qu'il y a des gens qui louffent parce que c'est long. Bah c'était 3 heures. J'aime les gens qui louffent. Ah, ça s'est embrouillé. Il y a une femme qui a hurlé. au mot, il jette la balle en l'air pour servir. Il y a une dame, je dirais, si je fais une évaluation, qu'elle a à peu près 56 ans, okay, qui hurle précis. Mais lui, il fout la merde depuis 14 heures et personne lui dit rien. Et elle pointe du bout de la main un homme à côté d'elle. Il y a 6 agents de sécu qui sont allés chercher le type. Et tout le stade a hué le type en faisant bouh. Il a baissé la tête. Donc il s'est fait sortir. 5 minutes après, moi je pouvais plus suivre le match parce que j'étais que sur eux. Tu voulais savoir ce qui s'était passé? Parce qu'en fait, qui a commencé? Oui. Bah oui. Et puis c'est très silencieux en Roland-Garros. C'est quand il se passe silencieux. Un truc, tu fais oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. Ouais. Et donc il est parti tête baissée. Sa femme est partie très discrètement après. Et après, les agents de sécu sont allés chercher la femme. Donc je crois que c'est un triangle. Oh là là. Oui. Malsain. Oh, d'entreprise. Parce que c'est des box d'entreprise. Ouais. C'est des box d'entreprise. Ça, c'est énervant. Ça, c'est du règlement d'interne. C'est de la banque. Ah, c'est une banque, ça se passe mal. C'est du team building qui s'est mal passé, ça. Ah ouais. Mais là où il me saoule, c'est quand tu t'assois en tribune, t'es derrière les gars et vraiment, des fois. Le côté faut qu'il y ait un silence de mort, ouais, s'il vous plaît, ouais, mais c'est l'arbitre, bon, arrêtez, s'il vous plaît, les gars. C'est le seul sport où on fait chier et les en gens plus, à l'US Open, genre on m'a dit qu'il y avait de la musique et tout, c'était un peu plus le bordel que Roland. Il y a vraiment un truc Roland Wimbledon, il y a vraiment un truc de faut que ce soit tout calme et tout, ça va les gars, détendez-vous. Non, ouais. Mais ça va, faut plus bouger sinon les mecs, non mais attends. Et c'est vrai, quand tu vas pisser tu peux pas revenir, non. Tu peux non. pas sortir de tes sièges en fait, si tu veux aller pisser. Allez, ça m'énerve et que ça recommence, parce que c'est des pauses très courtes, faut que t'aies les changements de côté, t'as les changements de côté, t'as les trucs, donc en fait tu vas. Quand tu reviens, tu dois attendre en haut de l'escalier. Et quand c'est rechangement, tu peux re-rentrer. C'est un tournage en fait, le truc quoi. Ouais, un peu, clairement. Mais les gens quand même ont le droit de faire. Pop pop pop pop pop. Ça c'est très drôle. C'est, olé. Ah, bon, c'est trop long. C'est très fantaisie. Le font trop. Ouais. Oui. Ouais, il y en a beaucoup. Il y a peu d'humour. Ouais, dans y a le peu tennis. D'humour. Il y a peu d'humour dans le tennis. Il y a juste ce moment qui est drôle, c'est les juges de ligne qui sont de nationalités différentes. Oui. Moi je comprends jamais. C'est l'instant Pascal. Mais à chaque fois ils font. Pah. C'est pour dire il y a une faute. Et il dit faute et en fait ça sort comme PAH. Et là tout le monde a compris que c'était sur la ligne dehors. Ah bah en fait ils disent faute. Ouais. Ils disent out. Ah, ah oui. Ah c'est ça qui. C'est dit. Out, oui. Espèce de zinzin. Et toi t'es bilingue en plus. Elle est bilingue celle-ci. Elle parle anglais comme moi je me coupe les ongles des pieds. Pas possible. Putain, rarement. À poil. Rarement. À poil. Out. Out, mais. Et c'est pour ça qu'en fonction du côté où ils sont, ils désignent out. Mais quel sport qui rend fou. Moi, quand je regardais, je me dis, les trucs de sortie, tu crois que ça va pas sortir et ça. Enfin, ça sort. Tu sens que. Ben, moi, je pense que pour les nerfs, je pourrais. Je vais vous surprendre, je pourrais jamais être tennisman professionnel. T'es passé à ça, je crois. Ouais, ça, c'est vrai. Agassi, il parle souvent de toi, il fait Florent Bernard. Such a shame. Donc pardon, parce que Magnus Carlsen. Oui, Magnus Carlsen. Donc en fait, parce que je suis même pas allé au bout de ma question. En fait, il a fait sa dernière partie en date. Il a fait match nul, mais il a joué contre qui? C'était pas le numéro 2. Il a joué contre une IA. Pas une IA, mais c'est un truc un petit peu fantaisiste. Un animal. Et il a fait égalité. Un humain, c'est un humain. Un pan. Alors, c'est un humain costumé. Ce n'est pas un humain. Ah, c'est genre 10 000 personnes. Alors. Enfin, plein de gens. Voilà. C'est un la bonne réponse. Collaboratif. Il a joué contre 143 000 personnes. En même quoi temps. Ah ouais. Oui. La moitié de Dijon. Ah, c'est malade ce mec. C'est-à-dire, les gens, ils sont sur un ordi, ils font tous un choix et on prend le choix qui a été le plus choisi. Ah, ok. Putain, c'est pas mal ça. Magnus ça, Carlsen, oui, c'est l'esprit de ruche, on appelle ça. Exactement. Je sais pas si c'est. T'es cultivé. Ah, il est cultivé. Mais ça se sait pas. C'est une vraie courgette. Ouais, c'est vrai. Il est cultivé. Magnus Carlsen, ancien champion du monde d'échecs, a fait match nul face à 143 000 personnes lors d'une partie en ligne inédite organisée sur chess.com. Échec.com. Bien sûr. Intitulé Carlsen contre le monde. Cette rencontre a duré 46 jours, du 4 avril au 20 mai. Chaque camp disposant de 24 heures pour jouer, les internautes votaient collectivement pour choisir leur coup. Malgré un bon départ, Carlsen a quand même reconnu avoir été surpris par la solidité du jeu collectif. Honnêtement, ils ne m'ont pas laissé la moindre chance. Cette partie marque un record de participation dépassant largement les précédents duels de Garry Kasparov contre 50 000 joueurs et Visvatan Arnon, 70 000 joueurs contre lui. D'accord. Merci pour ça, Florent. Mais merci d'ouvrir ton cœur. Ça m'envoie cette question. Quel est votre jeu de société préféré? Oh là là. Alors, ouais, déjà, est-ce que ça aime les jeux de société, Alison Miller? J'aime pas trop ça. Ah, elle aime pas trop les jeux de société. Ciao. Mais Adrien et moi ayant eu un père alcoolique, on fait rarement des jeux de société avec un parent bourré. Hein. Oui, mais justement, du ou coup, alors, c'est Time's maintenant. Up, mais tu vois la bite. Hein. Voilà, ça, c'est quoi ça? C'est même pas un hypoglouton. Ça, c'était drôle, l'hypoglouton. Ah, hypoglouton, je me faisais engueuler, ça faisait du bruit. Moi, bruit là. Mais c'est de l'hypoglouton parce qu'en fait, il y a rien. Faut juste attraper les billes. C'est du hasard. C'est complètement du hasard. Mais qu'est-ce que vous avez contre les jeux de hasard, je comprends pas. Ah, tu que les gens sont énervés. Oui, c'est comme si c'était en dessous des jeux de Jean Malin. Bah oui. En fait, il y a des gens où on n'a pas l'énergie à mettre dans des jeux où il faut réfléchir. Bien sûr. Le hasard, ça rend justice. T'allais dire, fais bien les choses. Oui. Non, mais là, le hypoglouton, c'est un enfer parce que évidemment, les billes sautent, les enfants perdent les billes, ça fait du bruit, il n'y a rien qui est non, cool. Surtout, il y avait des hypogloutons. À un moment, Ravensburger faisait ça, de voyage. Ah oui. Et là, vraiment, je trouve que c'est. Ah voilà, c'est tu veux juste rendre fou des pères de famille ou des mères de famille en voyage. Mais, oui. Oh. J'imagine un hypoglouton, mais pour une personne, le truc le plus triste, quoi. J'ai mangé toutes les billes. Bah oui. Ah, tous les jeux de société. Dans ta main. Donc, non, pas trop jeux de société. Là, même gamine, il n'y avait pas des gamines. Ta maman, non, alors, pour bien connaître la maman d'Alison, qui est une personne absolument délicieuse. Aïe, aïe. Et sobre. Trop gentille. Ta maman, je la vois sobre. Pardon, excuse-moi, où est-ce que vous allez? Ta maman, elle est trop gentille. Ta maman, elle est venue sur le tournage. Était trop ton père aussi est adorable. Catherine. Mon père, il est adorable. Mais mon père, il fait pas de jeux de société. Là. Il a fait un jeu de société avec mes filles. C'était un fiasco. Je comprends rien. Il parlait, fais pas pire, tu parles fort. Pourquoi t'es agressif? Parce qu'elles n'ont pas compris. Déjà, mon père, il joue pour les défoncer, en fait. Quand tu fais les jeux de société avec tes enfants, tu vois, oh non, bah j'avais pas vu que la case. Ouais, mais moi, attention, respecter les enfants, c'est te donner à fond. Non, et... C'est leur dire qu'ils sont moins bons que nous. Alors, je trouve que c'est très difficile de savoir quand tu joues contre des enfants, parce que j'ai des neveux, faut-il les laisser gagner par pitié? Ça dépend. Ou est-ce qu'il faut leur dire que la vie va être difficile et donc les terrasser? Il y a un curseur, je pense. Et abuser notre. C'est quoi la législation je par rapport au jeu? Il y a effectivement un entre deux. Ouais, par exemple, tu fais la course contre un enfant, faut-il le laisser gagner ou lui dire bah t'es moins fort en fait? Ça dépend. Non, mais quel écoute, enfant ça... Bah oui, ça dépend. Jusqu'à quel âge on dit un enfant? 9 ans. Ah, 9 ans. Non, pas du tout, j'ai dit au hasard, mais... excuse-moi. Non, mais moi je les laisse gagner au jeu, mais je leur fais payer un loyer depuis tout petit. Parce que c'est la valeur de la thune là. Mais non, faut laisser gagner un peu. Généralement, tu fais... ce qui est pas mal, c'est que tu fais gagner la première. T'égalises et tu dis allez on fait la belle et c'est sur la belle elle gagne parce qu'au moins elle a goûté un peu la défaite et voilà ce que c'est quoi. Et puis non, après elle gagne mais surtout il y a quand même un truc je pense qui vient de l'école. Moi ma fille elle est devenue méga compétitrice alors qu'elle a 3 ans. Non mais genre quand elle a perdu bah, par exemple on fait la course et des fois justement je suis un peu dans ce truc de bon bah vas-y cette fois je vais gagner quand même pour qu'elle comprenne que c'est un enfant et que c'est pas toujours voilà. Et vraiment elle faisait la gueule quoi. Donc on est passé par un truc on est passé par un truc pour dire non mais c'est pas grave de perdre, on s'en fiche de perdre, l'important c'est de s'amuser, etc, etc. Mais ça c'est pas nous qui lui avons inculqué, tu vois. Je pense que c'est l'école. Mais après je crois que c'est un peu un truc d'enfant aussi d'être con. Je sais pas si c'est dans tes... Ouais si c'est inné. Ça me paraît étrange que ce soit inné, ce truc de vouloir gagner, être le meilleur. Je sais pas. Je sais pas. Non mais je pense qu'elle doit à l'école mettre des branlées à tout le monde et qu'elle s'est dit ouais je me suis entraînée toute la journée comme une dingo parce qu'elle a pas grand chose à faire dans la journée, elle a pas des powerpoints. Elle est en taule, elle est en taule à la crèche là parce que vraiment je l'imagine en train de soulever de la fonte et tout, tu vas voir. Ça m'étonne pas qu'elle soit un peu susceptible. Je vois elle est très mignonne mais ma petite elle est comme ça, elle boude mais vraiment ça fait la gueule mais vraiment c'est Nadal qui a perdu Roland quoi. Ah ça m'a fait plaisir, j'en ai vu un taper une raquette par terre, j'ai fait ah oui donc même à ce niveau-là ils sont mais un bien peu sûr. Ah oui, j'ai connu. Bah, regarde les best-of de Benoît Paire, tu vas rigoler. De Florent Paire. Bon je vais Benoît Paire. Ouais mais lui c'est trop lui. Lui c'est trop. Ah, lui vraiment il les casse. Non mais lui il insulte, il dit ah, ta mère la pute là. Tout, c'est lui qui fait la chatte. Mais c'est donc c'est votre lui... père quand il joue de société. Exactement. Adrien, un jeu de société que tu aimes ou que tu as aimé. Et que maintenant c'est fini. Ouais, non mais pardon, moi j'étais plus jamais. J'étais foot qui est-ce. J'y joue un peu moins. C'était super. Oh, qui est-ce. C'était moi je trouve que il y a une, je sais pas, j'ai un feeling de le qui est-ce. Il y a moyen de le réinventer là, je sais pas. Il y a un truc parce que c'est nul le qui est-ce en vrai. Tu poses, est-ce qu'il a des lunettes? Non. Bon oui, non, ok. Après, je pense qu'il y a après, pour y a la moyen... défense du qui est-ce, c'est 5 ans et plus. Oui. Non, mais justement, je pense qu'il y a c'est un peu moyen. Le travail des policiers aussi qui vient de démonter. Quoi. Comment, à quoi ressemblait votre agresseur? Il a des lunettes. Non, mais je pense qu'il y a moyen de réinventer le concept. Oui, de mettre un peu de piment, par exemple, qui est-ce avec des repris de justice. Ouais. Est-ce qu'il a pris 15 ans? Est-ce que c'est un. Non, mais déjà, il y a une. Pardon, un braqueur. Je t'en prie, il n'y a pas de problème. Il y a une version déjà qui est drôle, c'est un peu le qui est-ce où tu dis, je sais pas, est-ce que il a une tête à puer de la bite? Ouais, ok, tu vois, de ce genre ça, de truc. C'est hyper dur. Oui, mais c'est marrant. Tu crées des connexions avec la personne avec qui oui, tu joues. Oui, quoi, oui c'est ça, parce qu'il y a un truc aussi de connivence, quoi. Ouais. Ma belle-sœur nous a offert à Noël un jeu qui est-ce personnalisé avec que des gens de la famille. Oh. Et là, tu vois le temps qu'elle a passé dessus, et quand il joue, tu dis, les parties vont très vite quand même. Parce qu'on est que deux à avoir des lunettes sur 10, donc tu dis, c'est mamie. Oui, ça a été pensé un peu. Oui, voilà, c'est mignon, mais c'est mamie. Ouais. Le jeu, il est très vite resté sur le côté. Mais du coup, là, c'est marrant d'y jouer avec les règles que je dis. Ouais. Voilà. Genre, est-ce qu'il est mauvais joueur en jeu de société? Oui. T'as raison, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il est vivant? Ah. Bah avec moi, ça va vite dans ma famille. Allez. Bah, c'est mon frère ou ma sœur? Vous aviez les si vous avez des sœurs, les jeux hyper genrés de genre téléphone secret? Ah ou... non, moi j'avais pas, mais ça me faisait moi justement, je quand j'étais petit, je me suis un peu senti la chance que vous avez, mesdames. Non, pas du tout. Mais, j'aurais trop aimé. Moi le, tous les trucs de téléphone, secret. C'était pour les filles. Et moi, je trouvais ça trop stylé. Ah oui. Le jeu et du tes téléphone. Tes parents n'étaient pas déconstruits pour t'offrir ça, quoi. Pas des masses, non. Ouais. Pas des masses. Et toi non plus, en plus. C'est vrai, quand on est enfant. Mais... En fait, j'aurais voulu l'avoir, mais parce que c'était rose, j'en voulais pas. Tu vois, ouais. C'est dommage. S'il avait été bleu, s'il eût été bleu, je l'aurais acheté, je pense. Le concept, c'est que t'as une plateforme, un téléphone géant, et t'as un petit carnet. Tu composes des numéros de téléphone qui sont attribués à des garçons qui sont donc majeur, toi t'es mineur quand tu joues, donc c'est un chouille problématique. Attends, t'appelles Denis. Qui sont, sont majeurs dans ça le... dit pas, mais la photo, le type, il ah oui, clairement... Ah oui, la voix, bah, c'est le collègue de ton père, quoi. La voix, c'est Gérard Darmois. Comme le quiz de... Il s'appelle Luc, Denis, Jacques. Ouais, voilà. Et toi, c'est des noms de majeurs. C'est des noms de majeurs. Non, non, mais tu oui, les appelles et ils photos, disent effectivement, il y a photos. Ils n'étaient pas à la pizzeria, ils n'étaient pas au centre commercial. Et en fait, le but, c'est. En plus, je crois que le but du jeu, c'est de trouver qui est ton admirateur secret. Je crois que c'est ça le truc. Voilà. Donc, déjà, un peu bizarre. Mais déjà, on en a un pour 4 joueuses. Ça te dit le ah oui, oui, où oui. se situe le problème démographique. Et qu'on est vraiment plus en chien que vous. Ah, et surtout, si t'es pas hétéro. Oui. Bah, le jeu a moins d'intérêt. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'était, oui, c'était pas extrêmement woke, je crois. C'était pas un jeu inclusif. J'avais aussi un jeu qui s'appelait Shopping et Folies. Oh. C'était quoi ça? Vraiment, ça prédestinait à des belles carrières. Hein, Shopping et Folies, t'avais une carte bleue. Il fallait faire du shopping avec un budget et t'acheter des petits vêtements plastiques. Il n'y avait pas un téléphone pour demander l'autorisation à ton mari, éventuellement. Comment tu faisais pour enflouer ta carte? Fallait enlever les freins. Mais le jeu est beau. Franchement, j'aimerais bien. Ah, mais tu me fais penser si on faisait un film de ça, comme Barbie, Shopping et Folies. Ce jeu parle, point d'exclamation. Il y a écrit ça sur la boîte. Hein. Ouais. Je te suis, Giro. Ce jeu parle. Attends, on dirait Labyrinthe. Ouais, non, mais c'est ça, moi j'aimais bien. Mais comment tu renfloues ta carte aussi? Je sais plus quel est le. Bon, je pense que l'argent, il est là. Ah. Tu pars du principe que t'étais dans un monde comme dans Clueless, la série, là, t'as de l'oseille et un sac à main avec de la fourrure dessus. Bah écoute, moi ça me fait envie ce petit jeu. Toute l'excitation du vrai shopping. C'est le slogan. Mais c'est vrai, quand t'es petite et que t'as pas les sous, tu fantasmes. Ah, et ça me fait penser à autre chose de mais pas intéressant. Mais si, tu rigoles ou quoi? Mais non, mais tu déconnes ou quoi? Tout est intéressant. Regarde autour de mon cou, je suis pendu à tes lèvres. Je suis allée à Citadium l'autre jour. Ah, on y pense ça plus. Ça m'intéresse déjà. Ah, ok, moi j'ai pas Citadium, c'est bien. Et il y a toutes les marques qu'on rêvait d'acheter quand on n'avait pas d'argent. Ah oui, je vois ce que tu veux tu dire. Tu décris ma vie de les marques de skate. Dickies. Ouais, bien sûr. Oh, tous les petits. Huff. Quoi? Huff, c'est une marque de skate. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y en a à côté de mon comedy club, il y en a un petit Citadium et je me suis fait exactement la même réflexion. Je me suis dit, putain, si au lycée j'étais venu là et on m'avait dit, genre, bah vas-y, serre-toi. Genre, si mon pote ça avait été Michael Jackson et qu'il avait aucun intérêt pour me faire plaisir. Non, mais c'est vrai, c'était exact. Je me suis fait la même réflexion il y a quelques mois. Contrairement à... Moi, mon jeu, vous m'avez pas. Mais c'était quoi ton jeu préféré? Moi, j'avoue, j'ai une passion pour le Milbourne. J'aimais bien le Milbourne. Je n'ai jamais compris le Milbourne. Enfin, j'ai jamais joué au Milbourne de ma vie. T'as jamais joué au Milbourne? Bah non. Sache que je n'ai pas répondu non plus, au passage. Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y. Mais vous avez vos règles. Quoi? Le flot de rouquin là. Enfin, rigole pas, j'ai pas prévu Adrien, c'est ça arrive en septembre. C'est vraiment... Aïe. Non, le Milbourne, j'aimais bien parce qu'il y avait un truc de calcul mental aussi pour arriver à 1000 avec. Excuse-nous, pardon. Non, mais j'adorais quand je sortais l'oiseau. Pardon, Magnus Carlsen. Non, mais calé à 200. Bertrand Renard. Bah, l'oiseau, 200. C'était un boost. Bertrand Husqvarna. Ouais, tu dois avancer. T'as l'escargot, le canard, le lapin, machin, et puis tu mets des pneus crevés et tout. Je me souviens que je jouais avec mon cousin et derrière, il y avait une petite tension. Mais c'est Mario Kart en jeu de société, hein. C'est vraiment ça, le Milbourne. Ouais, mais que avec des cartes. Et c'était vraiment pas mal ma take là. Mais attends, mais tu vois, est-ce que ça existe pas un Milbourne Mario Kart? Bien sûr, mais je l'ai acheté. Ah, il existe? Bien sûr. Ah bah oui, mais c'est malin. T'aurais pu créer un jeu, Adrien. Putain, ouais. T'étais à ça. C'est pas trop mais tard. Non, mais avec tous les jeux auxquels il a joué, évidemment qu'il est fort en règle de jeu. Et toi, ton jeu, c'est quoi? Bah, alors, moi, j'aime bien les jeux. J'aime pas les jeux où tu prends plus de temps à expliquer les règles qu'à jouer. Ça me saoule. Ah, je comprends. Et j'aime pas les jeux où tu joues pendant 6 heures et t'es genre. Genre le Monopoly? Non, mais tu sais, non, même les jeux, le jeu de société Game of Thrones, là. Moi, j'aime bien les party games, comme on dit, quoi. Les trucs, t'expliques les règles en 2 secondes et tu rigoles et machin. Genre, un jeu dont j'ai plusieurs fois parlé, Cracklist. qui est une espèce de mélange entre le Uno et le petit bac. Ouais. Où, et là, c'est, tu vois, t'as un thème comme au petit bac, et toi, t'as des cartes avec des lettres dessus. Et c'est chacun ton tour, et tu mets une lettre, et tu dis le mot, et t'as des cartes spéciales pour niquer les autres et tout. C'est très drôle et t'apprends les règles en 5 secondes quoi, et c'est super. Ça, c'est mais quand j'étais petit, moi j'aimais quand même bien tous ces jeux avec beaucoup de pièces, moi les gros trucs, les pique-puces, les pique-pirates, Non, faut qu'il y ait pique, ouais. Ouais, faut qu'il y ait pique. Il y avait le labyrinthe, labyrinthe maudit, labyrinthe ça me faisait chier moi, mais non, mystère de Pékin. Mais non, ça c'est trop compliqué. Moi c'est les mystères de Pékin. L'île infernale par exemple. Vous vous souvenez pas de l'île infernale, c'était un petit volcan. Oh si, il y avait une bille qui se baladait et qui Quoi c'était l'île infernale. Oh, et le tricky golf là. Oui, voilà. Non mais ça moi j'adorais ces trucs là. Tricky golf. Le croco golf même, c'était pas croco golf. Non, tricky golf c'est mais ça s'appelle pas pareil en français, mais moi je viens des States encore une fois. Nous. Mexico City. Tu as une bille en métal et tu as des petites manettes et tu dois la faire arriver jusqu'au bout. Ah, du... sympa, oui. Je connais pas. Moi, mes parents ils me les achetaient pas ces trucs là et je leur passais. Moi je l'avais et j'ai découvert genre il y a 2 ans qu'il y avait un tricky golf 2 ouais. Et en fait il s'emboîte au premier et ça poursuit le l'autre ouais. Oh putain c'est génie. Moi c'est ça que je voulais quand j'étais gamin, le croco golf. Mes parents n'ont jamais voulu l'acheter. Achète le maintenant, mais j'ai un enfant, je ne fais que ça. Avec la thune de Playel mon pote mais tu vois... qui va s'élever à 50€ apparemment. le crocodile à des Gob. Moments à des moments qui changent à chaque fois. C'est aléatoire. Hein, putain, aléatoire, fermer ouvrir la bouche et tu devais rentrer la balle dans le crocodile. Bah, extraordinaire. Pas mal. Extraordinaire. Mais déjà un peu un jeu de droite un peu. Je comprends que t'es aimé Roland Garros. Parce que un numéro 1 mondial qui joue à numéro 5, oui, c'est pas mal. Mais moi j'aimais bien les pubs télé, moi les pubs télé me donnaient envie, il y avait des jeux. Moi j'aurais adoré voir le making of des attention, tu sais les enfants qui jouaient, je me disais mais attends, mais comment ils font, c'est pas possible parce que quand tu le reçois chez toi, c'est absolument pas comme ça. Il y avait une mise en scène et j'aimerais bien me faire un best of des jeux comme ça. Je m'arrête dans ma tête. Moi les pubs, les pubs Action Man, c'était toujours assez fou. Les pubs Action Man, vraiment, les trucs, mais les décors et tout, ils faisaient ça. Moi je voulais acheter, je disais à mes parents, pourquoi j'ai pas parce que mon père buvait. Je sais pas si j'ai déjà dit. Et je disais mais maman, pourquoi je peux pas avoir le décor du Action Man en plus quand il arrive en Jeep et tout machin. Je comprenais pas qu'on pouvait pas avoir le reste. Bah oui, bien sûr, tu pouvais avoir juste la petite figurine. Tout l'ensemble. Mais comme Barbie, c'était pareil. C'était ce truc où tu pouvais avoir que des. Bah moi j'ai demandé à ma mère de m'acheter une Barbie. Ouais. Mais pour te branler. Pour la dessaper. Pour regarder les Non, mais je voulais voir, j'étais fasciné. Ah, t'aurais été déçu, celui. Bah, mais j'étais déçu, je dis, bah, y a pas de. Y a rien, quoi. Tu voyais plus dans la redoute. Mais j'ai vraiment voulu acheter une Barbie pour checker ça. Bah, c'est le fils, j'étais fils de coiffeuse, et avec des coiffeuses, je disais, oh, il est mignon. J'avais des câlins, ma tête arrivait dans les gougouttes à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que cette matière hyper agréable que je n'ai pas? Et je voulais voir comment c'était. C'était des gougouttes de quel âge? De l'Angora. Bah, c'était des gougouttes, il y avait tout. Il y avait tout. À l'époque, il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait tout. Si c'est une matière agréable, ça devient agréable quand ça commence à dépasser un certain âge. Ça devient très très doux. Oui. Non mais c'est fou ça, c'est un truc qui un épéda. Enfin, après elles étaient pas seins nus hein, rassure-moi là, non, parce non, que non, là mais je me souviens que doux, on est je me souviens vraiment que j'ai acheté la Barbie, mon père a fait une tête mais bon, mais tu l'as acheté? Enfin, j'ai demandé à ma mère, je dis, maman, tu peux m'acheter une Barbie? Mon père a fait, ça va pas, non, on va pas acheter, oh, je vais boire. Et, et après, venez, on fait le jeu de la bouteille. Je me souviens que je l'ai ramené dans ma chambre, je sais que mon père il a bloqué vraiment longtemps. Et donc tu l'as eu? Bah oui, je l'ai eu. Ah, je l'ai monté dans ma chambre et j'ai regardé, j'ai fait, oh, ah oui, d'accord. Ah, donc t'as été déçu. Je crois que j'ai dû la foutre en couple avec un Action Man. Mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Ouais. Alors, savez-vous quel est le syndrome Witzelschut? Witzelschut? Ouais, Witzelschut. Non. Witzelschut. Bah, on passe à autre chose. C'est de l'allemand du coup, j'imagine. Oui, alors c'est pas trop lié à l'Allemagne. C'est souvent allemand les syndromes. C'est une Mais... c'est une dépendance à quelque chose. Voilà, ça je peux vous le dire. À la vitelle. Un indice. Tu fais des shoots, des shots de vitelle. Ah, c'est une dépendance. Ça va mieux. Est-ce que ça a un rapport avec quelque chose de... Est-ce que c'est un mal moderne qui serait arrivé apparu dans les années récentes quoi? Écoute, l'article nous dit que le premier cas observé, enfin, ils ont commencé à diagnostiquer ça en 1929. Oui, donc. Mais c'est un truc qui peut exister depuis la nuit des temps. Ok, donc Hitler était homme de l'année en 33. C'est 4 ans avant qu'Hitler devienne homme de l'année. Donc c'est une dépendance L'homme à quelque chose. Ouais. C'est très niche. Non, non. C'est autour cette table. C'est très niche. Oh, salaud. Ah, je me mets une patate. Est-ce que c'est une dépendance à quelque chose de genre de tangible, quoi? Ou c'est plus une dépendance psychologique? Pour moi, c'est plus psychologique. Mais c'est un truc qu'on fait quand même. Mais c'est ah oui, mais donc c'est. C'est okay, pas une dépendance d'accord. à, je sais pas. Une non, mais c'est drogue, pas une dépendance à la, oui, à la reconnaissance, par exemple, ou à l'attention. Au baiser, au bisou. Il faut toucher un objet pour. C'est une dépendance, faut toucher un truc. Non, c'est pas un toc. Non, c'est pas les gougouttes, Baptiste, c'est pas ça. Les gougouttes. C'est pas ça autre chose. Foutu gougoutte. Ça n'est pas les gougouttes des vieilles dames du salon de coiffure. C'est pas ça. Les gougouttes des vieilles dames. Ou alors c'est fou, si c'est ça. Les gougouttes des vieilles dames. Ouais. C'est Julien Clerc. Motorboat. Les gougouttes. Les... Non. Les vieilles dames. Ou Thomas Fersen aussi pourrait pu faire. Les gougouttes, les vieilles dames. Thomas Fersen, ça fait tellement longtemps que j'ai entendu ce blast. Tu vas le faire même en pas si je l'ai imité. Non. J'ai fait plus Arthur H un peu. Oui, c'est vrai. Attends, non, Arthur H, c'est un de l'herbe peu. De l'herbe un peu. Redis le syndrome. Bon, le syndrome plus juste. Si c'est allemand, c'est peut-être un rapport. Je vais juste chanter à... les gouttes des vieilles dames avec la voix de 10 chanteurs, moi. C'est tout ce que Johnny, je vais peut-être. Faire. Johnny. Oh, les gouttes. Non, les gougouttes. Non, putain, je l'ai pas du tout là. C'est dur. Oh, les gougouttes. Des vieilles dames. J'aurais dû faire Julien Clerc, celui que j'ai le mieux. Mais oui, t'es lancé sur ça. Ah, je vais le rater. Attends. Okay. Les coucoutes des vieilles dames. Voilà. Tu le fais bien. Ah ouais, c'est celui que j'ai le mieux. Je crois, Julien Clerc. Même je le fais sans vouloir. Mais comment tu fais? Tu retiens l'air dans ta gorge? Il y a un truc comme ça. Ouais, il faut du coup, tu fais un couplet entier, t'as la tête qui tourne, t'as plus d'air. Après. Ça va, je le gère. Julien Clerc lui-même. Là, je sens que j'ai une petite montée de sueur. Donc peut-être que je le maîtrise pas du tout. J'ai chaud. Alison, une imitation peut-être? Non, je pense à Julien Clerc parce qu'il était venu à une émission à France Inter quand je travaillais là-bas. Et je me rappelle qu'il a beaucoup, beaucoup de fans d'un certain âge. Oui. Et elles se battaient sur les chaises. Avec leurs gougouttes. Pour prendre les photos. Ah. Et elles sont très, très dures les unes envers les autres. Mmh. Il a un groupe de fans, femmes hardcore, au-delà de, je dirais, 70 ans. Ah ouais. Okay. Et elles étaient très agressives. Elles se poussaient pour prendre des photos avec lui. C'est d'une violence rare. Bah, j'imagine. Les gougouttes, pardon. Alors, les dames, hein. L'addiction, le syndrome. Non, c'est une dépendance à quelque chose qu'autour de la table on peut avoir. En tout cas, moi je sais que je l'ai. Tu viens de cacher ton écran comme si j'allais tricher. Pense, tu vas tricher. Tu me prends pour qui? T'es malade ou quoi? Donc c'est une action. Ah, je suis désolé. C'est une dépendance à une Florent, action. Florent, tu mettais ton classeur avec, pour séparer de ton voisin? Non, pas forcément. Si, mais si tu mettais ton classeur. Il n'y a pas de mérite après. Tu vas avoir une note et j'irai pas au bout de cette phrase. Mais non, mais après, tu la mérites pas la note. Non, mais après, la preuve, si elle se rend compte, c'est divisé par deux. Donc moi aussi, me fait avoir. Donc c'est bon. Ça, c'était méchant de faire ça. C'est horrible ça. Qu'est-ce qu'ils étaient cons, ces élèves qui disaient ça? Non, les profs. La méthode de prof de dire. Non, mais même les élèves, savoir qui a copié. Je divise par deux. Bah non, tu t'en fous pas, tu vois très bien qui a copié. C'est ça, à un moment, t'as les notes sur l'année entière. Il a un prénom anglo-saxon, tu sais que c'est lui qui a copié. Non, mais oui, ça m'énervait beaucoup. Bah, remarque, oui. C'est un peu. T'as le droit de faire cette blague. Oui, t'as le droit, Oh là là, il est dur là, ton truc d'addiction. Non, mais c'est une dépendance à une action, à quelque chose qu'on fait. Le sport. Pas le sport. Parce que ça. Ah bah lui celui-là. Et je cours. Attendez, j'ai pas fait mes kilomètres. Oh bah du coup je suis chaque fois. Il est odieux quand il a pas couru. Moi j'ai pas couru. Oh je suis tout pas content. Là il fait des pompes là. Ah j'ai travaillé avec toi quand t'avais pas couru, t'étais vraiment méchant. Ah j'ai envie de courir. On doit déjeuner. Je lui ai demandé deux fois s'il était sûr de déjeuner parce que sinon je vais courir. Moi je suis un labrador. Il a un sport élec là. Non, je trouve que t'es un berger australien. Je suis un berger australien. Ouf ouf ouf. Allô là-bas. Est-ce que alors attends. Il le fait bien. C'est est-ce que il fait 10 Est-ce que c'est Dedier? Pardon, Vincent. Vincent Dedier, ouais. C'est une dépendance à quelque chose qu'on fait aux autres. Oui. Ah. Mais on peut se le faire tout seul dans sa tête, mais souvent on le fait aux autres. Ah, dire du mal. Ah, si, c'est dire du mal. Si, c'est dire du mal un peu, c'est critiquer. Critiquer. C'est pas critiquer. Et critiquer, c'est pas un footballeur. Si. Hugo est critiqué. Hugo est critiqué. Et, non, et décryptique. Décryptiqué. Hugo décryptiqué. Oui, bien sûr. Je sais que t'aimes pas les jeux de mots, mais j'adore en faire devant les matchs de foot. J'adore les jeux de mots. Non, mais il aime bien les jeux de mots improvisés. Alors là, je ne fais que ça, et même on m'a repris la finale de la Ligue des Champions. On m'a dit, oh, c'est bon là, les jeux de mots quoi. Et bah, tu sais quoi, Adrien? Tu as le syndrome visque-chuche. Ah, c'est pas vrai! Je suis obligé de le dire! Pour le bien de l'émission, j'étais obligé, Adrien. Eh ben, je l'ai. Ah, c'est la, et c'est j'en la, suis fier. L'addiction au jeu de mots. Un syndrome neurologique rare qui pousse une personne à faire des jeux de mots et plaisanteries de manière compulsive, parfois au point de perturber son entourage. Ah oui, donc, entre guillemets, trouble serait lié à des lésions cérébrales. Non, c'est toujours le père alcoolique, hein, c'est vraiment. toujours ça. On en revient toujours à ce ouais, paragraphe. Non, mais ne cherchez pas plus loin. Non responsable du contrôle des émotions, des pulsions et de l'inhibition. Le cas documenté par la BBC décrit un homme ayant subi deux AVC dont les séquelles ont modifié sa personnalité et déclenchent ce comportement incontrôlable. Diagnostiqué par un neurologue après plusieurs années, son cas s'ajoute à une poignée d'autres observées depuis le premier en 1929. C'est ça, Stéphane de Groot. Deux AVC. Selon le psychiatre Joachim Mulner, le vice of juste n'est pas une maladie en soi. Beetlejuice t'a dit là par contre. C'est Beetlejuice. Le dites pas trois fois, il arrive. Tu dis trois calembours. Hein. Il y a Stéphane de Groot qui apparaît. Et oh, c'est moi. Hein. Là, la voix, je fais au hasard. Hein. C'était pas du tout là. Genre, je sais même pas quelle voix il a, genre, je vous cache pas. Ouais, c'est Stéphane de Groot. Non, non, je l'ai pas, je l'ai pas du tout. J'ai essayé non plus. Il explique que les lésions de lobe frontal peuvent provoquer une levée d'inhibition, ce qui altère le comportement et peut même entraîner un changement de personnalité. Le levée d'inhibition qu'on connaît par exemple avec l'alcool voilà, ouais, on y revient toujours. Si ce syndrome reste extrêmement rare, il fascine les spécialistes, mais pas de panique. Un proche un peu trop blagueur n'est pas forcément atteint. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je suis juste un proche un peu trop blagueur. Non mais ça, là comme ça dans un cadre avec des jeux de mots, c'est un peu cherché, mais c'est les jeux de mots. Moi mon beau-père il en fait un peu. C'est Patrick, je l'adore, hein, mais toute la table fait oh Patrick. C'est vraiment. Ah, c'est, oui. Il sait qu'en la faisant il va se faire détester, mais il le fait quand même. Ouais, mais ça me respecte un peu. Moi je respecte un peu. Moi je l'ai fait un peu pour ça aussi. C'est oui, oui. Bien oui, me faire mais détester. Non mais vous c'est avec des c'est un peu plus tiré par les cheveux. Non si si. Ça vieillit. Tu sais très bien. Ça vieillira très mal et tu le sais très bien. Non les gars à l'époque. Pour moi ça vieillira jamais. Ce qu'on fait si. Non, les jeux de mots. Ah oui, oui. C'est ringard. Au moment où ça sort de ta bouche, c'est ringard. Qui donc va ça le vieillira. Plus mal vieillir autour de cette table. Je crois que c'est moi. Pourquoi je suis aigri. Je suis aigri, mon pote. Du doute, t'es aigri, ma cocotte. Je suis aigri. Ouais, ouais, alors, si je me vois sur les pistes cyclables. Bonsoir. Ah oui, mais tu fais du vélo. Non, mais t'as peut-être atteint un paroxysme aussi, Adrien. Donc peut-être tu peux pas. Je suis à mon prime de l'aigreur. Tu vas mal. Tu n'écoutes pas le podcast du tout apparemment. Non. Non mais Si mais c'est ton personnage. Oui, clown, dans la vie t'es un soleil. Bah ouais bien sûr. Waouh. Oui. Mais t'es de la bien fine. Un soleil est trop tard. J'ai quelques nuages. Je rêve Baptiste ou tu te pinces l'entrejambe. Non oui je me pince j'ai mal. Oui, non enfin, non tu te pinces l'entrejambe. Je me suis pincé un peu. C'est pour te gratter. Bah, il a pensé au gougoutes des dames et il se pince l'entrejambe. Je me fais mal, je te raconterai. Je vais me faire une vasectomie. En promo. Non ça me stresse. Non, je me suis fait mal, ouais. Mais tu vas pas m'expliquer la tub. Réponse à ça, c'est la vasectomie. À la tub. Je me suis fait mal à la tub, ouais. C'est vrai. Aïe. Ouais, je me suis pincé dans la braguette. Oh, c'est vrai. Bah ouais, ce matin. Non, c'est quand t'as 6 ans, j'ai pissé ça. Vite. Ah ouais. Non, mais mon taximoto était là, j'ai pissé vite. J'ai pissé. Julien Clerc, j'ai pissé vite. J'ai pissé vite. Tu fais bien. À la vitesse de la lumière. Non, j'ai pas fait complètement, mais j'ai fait un petit peu. Ah ouais, non, mais j'ai regretté ces moments où on pissait le pantalon et la culotte complètement baissée. Ah, ouais, quelle joie. Je vois ton t-shirt. Bah, bien sûr. Non, ce moment. Mais fais-le encore. Moi, je le fais parfois. Tu le fais encore. Bonheur. Une fois de temps. Après, je suis célibataire. Ça aide aussi. Mais... Non, mais j'avoue, ça m'a fait rire. C'est à la maternelle quand j'ai amené ma fille à l'école il y a pas longtemps. Je voyais vraiment les frocs baisser des petits qui pissaient. Cul nu, quoi. C'est tellement mignon. Moi, une fois, ma fille. T'es pas censé aller dans les chiottes. Ça rend vulnérable. Tu passes à côté. Avec ton tel. C'est une école. Non, mais c'est une école où les chiottes sont dans la cour de récré aussi. Ouais. C'est ça le truc. Y a pas c'est de Montessori, porte, Enfin, j'ai pas d'enfant, mais il n'y a pas de porte aux toilettes non. Des enfants. Non, pour pas qu'ils s'enferment, je crois que c'est un délire comme ça. Mais club. C'est bizarre, non? Quand tu déposes ton enfant, tu dis il n'y a pas de porte non, parce aux que toilettes. C'est comme les urinoirs. C'est, t'as quand même des, comment, des, parois, ouais. Des parois qui cachent. Mais... Oui, mais les petites. Ah, oui. Ça ne cache pas de l'extérieur. Non, mais par exemple, là dans l'école maternelle de ma fille, c'est une espèce de couloir, les toilettes. Ah, oui, putain, elle est à l'école maternelle maintenant. Ah, bah oui, bien sûr. Mais c'était. Donc elle est en âge de se rappeler de mon prénom, quoi. Ouais, mais c'est des tout petits WC, mais ça c'est génial. Là, il y a le ciné pas loin de chez moi, il y a des petits WC aussi, j'adore. Ah, parce que moi j'aime pas avoir la montée, le machin. Puis maintenant elle veut monter toute seule, et tu sais, genre pour les. S'accrocher. Pour la bactérie, c'est pas fou de compétitive même sur les chiottes, quoi. Bah, un enfant qui dit je le fais tout seul, c'est vraiment tout le temps. Je comprends. Qu'est-ce qui coûte. Qu'est-ce qui a fait l'actualité et qui coûte aussi cher qu'une Peugeot 3008 ou qu'un morceau de lune? Qui a fait l'actualité? Ouais, et qui coûte la modique somme, je vais vous le dire, de 40 000 euros. Est-ce que c'est un objet qui a appartenu à une célébrité? Non. Un morceau de lune, ça coûte 40 000 euros? Ouais. C'est pas quelque si cher. Qui a été volé. C'est une arnaque aussi également. Ah, la statue de cire de Macron? La statue de cire d'Emmanuel Macron. 40 000 euros? 40 000 balles! C'est beaucoup de travail. Pourquoi je t'ai pas un joker qui veut gagner des millions, toi? Ah oui! Après, non, mais on peut en parler ici, toi, t'es pas au courant. C'était si. Qui ton. Ah si, tu savais quel était le joker de. Ah non, qui est le joker c'est... de. Ah, c'était le joker de Kian. C'est... Moi j'avais Haroun. Ah oui, le joker de Mathis, tu te souviens de son prénom? Patrick. Patrick Beau. Patrick Beau. Oh et Patrick Beau s'est trompé. L'aurait fait perdre. Oh ordure. C'était quoi la question? Sur il y a combien d'habitants au mètre au kilomètre carré en Islande? Bon, genre, c'était très c'était dur, mort hein. Pour moi aussi. 0,3, 0,6, moi, 0,9, 0,12. Qui a joué son propre rôle dans Friends? Ça je l'avais. Mais... Ouais. Je l'avais, ouais, oui, moi aussi. Oui. Mais tu l'as vu quand on s'est trompé? Non, j'ai juste vu cet extrait-là. Il était tellement énervé, Baptiste. Mais non, mais franchement, j'ai jamais été aussi stressé de ma vie. J'étais dans un état, gamin, mais parce que je voyais Bruno Hakoun, le président de l'asso, qui a jamais autant d'argent de sa vie, et parce que le palier a changé. Moi je me suis dit c'est cool, si on arrive à 48 000 c'est génial, mais maintenant non, maintenant c'est 24. Ok, donc tu perds entre la première et la huitième question. Ouais. Bah tu retombes à 1 500 euros. Ouais. Donc c'est pas du tout le pas du tout le même délire. Ils ont complètement changé les paliers. Ouais. Et non, mais non, ça c'est pas bien ça. C'est pas moi bien. Juste à quel moment tu l'as appelé au téléphone, c'est ça? Ouais, c'est mais tu gruges, non? Bah moi, pour moi, t'es allé sur Google, mais peut-être que t'as pas le temps. Le temps est trop. En fait, on leur demande d'être prêt à être appelé. Haroun, il m'a dit non, gars, je veux pas me taper la honte. Et puis en fait, il m'a rappelé, il m'a dit en fait, je suis un peu chaud, j'ai un peu envie d'y arriver. Ouais. Donc mets-moi en joker. Donc je lui dis bah on passe entre 21h et 23h, donc reste au taquet, quoi. Mais Patrick, non, tu sentais qu'il était en mode réflexion, quoi. Ouais. Mais moi, je le connaissais pas. Ça aurait été Haroun, je l'aurais insulté. Je lui aurais dit mais évidemment, Google, ChatGPT, bordel. Et non, il s'est trompé, Patrick. Je peux pas lui en vouloir. Bien sûr que non. Et puis c'est pas son domaine de spécialité. En plus, c'est horrible parce que Haroun, il m'a dit bah moi je savais, parce qu'en Islande, oui, ça c'est pas Haroun, ça c'est le truc du parce qu'il l'avait noté, il l'avait noté pour une vanne. C'est que en Islande, ils ont signé un accord ou une loi, un truc comme ça, contre la consanguinité, parce que les gens baisent entre eux tellement il y a pas d'habitants. Ouais. Donc okay. Voilà, il faut faire super gaffe au cas de. Oui, bien sûr. Bon, c'est fascinant. Ouais, bah l'Islande, ça et les aurores boréales, c'est les deux trucs, c'est les deux trucs de l'Islande, de toute façon, la consanguinité. Les aurores boréales. J'étais en Islande avec Véronique, j'ai baisé ma sœur, on a vu des aurores boréales. Oh là, un week-end. Ça, ils le disent pas sur Booking.com. La statue de cire de Macron. Donc oui, lundi matin, des militants de Greenpeace ont dérobé la statue de cire des Macron. J'ai raté qui avait fait ça. C'est Greenpeace. Je savais pas non plus. Ouais. Oh, engagé. Mais ils l'ont déposé. C'est devant, ça, déguisé d'abord en touriste puis en engin d'entretien. Donc moi j'aime bien c'est quand très ça quand ils l'ont déguisé. Quand ouais. C'est créatif. Non, eux se sont déguisés. Je crois qu'ils avaient déguisé la statue, un peu marrant. Pour la voler. Mais c'est ça, moi j'aime bien quand ça ressemble à Ocean Eleven. D'abord déguisé en touriste puis en agent d'entretien, deux femmes et un homme ont réussi à s'emparer de la statue d'une valeur estimée à 40 000 euros en la dissimulant sous une couverture et en sortant par une issue de secours. Ils avaient manifestement fait des repérages très précis, indiqué le porte-parole du musée Grévin, précisant que les militants avaient appelé peu après pour assurer que la statue serait rendue indemne. Alors ça me fait dire qu'il y a quand même un truc qui est à la fois marrant et terrifiant, c'est que ça a l'air. Ça fait deux exemples que j'ai là en très peu de temps. C'est très facile. Du coup, tu mets une salopette et tu peux aller voler un truc au musée Grévin. Mais je pense que parce c'est. Que j'ai vu, non, mais parce que j'ai vu une vidéo des mecs qui sont allés gratos voir la finale de la Ligue des champions. Ils sont allés genre deux jours avant au stade et ils sont restés enfermés dans les chiottes pendant deux jours. Et après ils sont rentrés genre normal. Mais bon, c'est marrant quand c'est eux, mais si c'est des gars avec une bombe ouais bien sûr. Enfin, c'est vraiment très facile quoi. S'enfermer dans les chiottes, il a rentré dans un premier temps. S'enfermer dans les chiottes, c'est une technique oui, très connue. Que Michael Hull, c'est qu'il avait fait un prank. Non mais c'est pas, il y a pas de. Et, non mais pour Télématin. Il aura TV aussi. Ouais, non mais pour Télématin, il s'était enfermé dans les chiottes de France Télé pour le matin débarquer sur le plateau de Télématin parce qu'il savait que sinon il l'aurait pas laissé rentrer à la sécu de France 2, tu vois. Il était hyper habité. Il était très habité, il avait une énergie. Mais donc en gros, les activistes qui ont piqué la statue de cire de Macron, c'était pour la mettre effectivement devant l'ambassade de Russie dans le 16e, déployer un drapeau russe. Bon, on dit business is business puisque Emmanuel Macron dit soutenir l'Ukraine mais encourage les entreprises françaises à continuer à faire du commerce avec la Russie. Donc c'était voilà, un truc militant et ils ont rendu quand même la statue mais en disant qu'ils allaient pas l'abîmer. Mais avec ce truc, j'ai l'impression que j'en parle à chaque floodcast. Mais qu'il y a des gens qui se font enlever leur statut, quoi, des gens connus. Ah, des fois, il y a des gens. Tu trouves ça triste? Bah, moi, je pense. Bah, après, je m'en fous. Moi, je est-ce qu'il y a un petit quiz après? Genre Vianney? Oh non, ça aurait été super. Non, oh, non, tu vas pas repartir sur Vianney! T'as encore ce Vianney lui a pris un rôle. Voilà, c'est pas bon. Un rôle de quoi? Dans The Voice? Allons sur. La réalisatrice m'appelle, elle me dit il faut que tu lises un scénario très très vite. Le scénario extrêmement vite. Elle me dit viens chez moi, on fait une lecture. Oui. Mais je dis ok, j'arrive, il y a Fanny Ardant. Je dis bah oui d'accord, donc c'est pas pareil que de faire une lecture comme ça. Et je suis pas dingo sur la lecture parce que c'est que la deuxième fois que je lis le scénario. Et elle m'a dit bon finalement ça va pas le faire, mais merci pour ta disponibilité. Et elle a pris Vianney. Bon, là, j'étais un peu vexé. Mais tu crois que tu fais une bonne première impression? Je sais pas. Enfin, toi, t'as eu une mauvaise première impression quand tu m'as vu? Mais je sais plus quand je t'ai vu pour la première fois. En tout cas, tu me fais une bonne deuxième impression parce que je sais qu'à travers le temps, je t'aime bien. je t'aime beaucoup. Mais ouais, je sais pas la première fois. Non, je, ça y est, je me souviens, la première fois, je t'ai pas adoré. Ah bon? Ouais. Mais non, nous... mais tu m'as rien. Voilà, bon, t'étais dans ton. Ton perso. Non, mais nous non plus. C'est ça qui est sous à toi. C'est vrai? Non, mais ah bah, ça, c'est pas de ta faute. Non, mais moi, c'est pas de ma faute. Je suis arrivé dans un Augustin Traquenard. Ah bon? Augustin, moustache, Augustin Traquenard. C'est de ta faute à 100%. Ah, je rigole. Non, mais parce qu'on nous dit, il y a un sketch show avec moustache. Et nous, on nous vend un truc, genre, ça va être le SNL. Et ah, genre, Baptiste va être une sorte de guest. Sauf que Baptiste, on lui dit, c'est ton sketch show. Donc nous, il arrive et il fait, alors moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Puis on est là, genre. Oui, oui, il y a eu un quiproquo. Un énorme quiproquo. Donc on était là, genre, attends, pour qui se prend, lui? Enfin, on aimerait bien jouer dans les sketchs. Il a mis une patate à Jules Fou aussi. Mais non, mais c'est vrai, je disais, ah bah là, on pourrait prendre Jonathan Cohen, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et puis après, je suis sorti de la réunion, j'ai appelé Navo, j'ai dit, mais les gars, ils sont gentils ou ils disent, oh bah ouais, c'est des gars cool. Je dis, oula, je pense qu'il y a c'est eu une époque un dure. Ouais, il y a eu un. Dure pour tout le monde. Putain, mais j'étais dans le besoin. Je me suis souvenu de ces deux Gugus quand même, ouais. Des années après. C'est vrai, c'est vrai. J'ai la liste des gens qui ont été virés, les statuts supprimés. De... Genre quand dans l'histoire totale dans le dans oui oui dans le musée Grévin au musée Grévin. Ah, les gens cancel. Non, alors il y a des gens cancel, effectivement, il y a des gens en tout cas qui ont des polémiques, n'est-ce pas, mais il y a aussi effectivement il y avait des gens Tex. Non, il y a jamais eu Tex. Non, mais il y a vraiment eu des gens au musée Grévin, tu dis. Bon, je pense que le non, mec mais là, connaît non, mais y en a le pas du tout quand... qui met des statues, parce qu'il y avait quand même Franck des To Be Free. Bah, c'est ce que j'allais te dire, il y a les To Be Free, il y avait Aimé Jacquet. C'était énorme à une époque. Il y avait Aimé Jacquet. Mais c'est pas bon. T'as, ils ont viré Bill Clinton, ils ont viré Clavier, dis donc. Ils ont viré Clavier. Ils ont viré Clavier. Pas quelque chose à dire. C'est honteux. C'est indécent. C'est une fin. Mais quoi qu'est-ce qu'il y a? Ils ont viré Coluche, ils ont viré David Douillet, Diams, Dorothée. David Douillet. Ils ont viré Coluche, Douillet, Diams. Diams, elle est partie d'elle-même. Si oui, je pense. C'est pas en ordre alphabétique là. Guy Montagnier était là, il a disparu. Ouais, bon. Voilà. Non, mais voilà, il y a plein de gens. C'est déjà beau qu'il y soit allé en vrai. Non, mais ça, c'est du roulement, ça. Mais c'est ça, ce que je te dis. Michael Youn, j'en en parlais. C'est du roulement, c'est dur, ça dit vraiment où tu te places sur l'échiquier de la. C'est ça dont je parlais. C'est qu'il y a un truc de. T'arrives, ça, t'as une grosse cérémonie d'intronisation, tu dois t'habiller comme ta statue, ce que je trouve, je sais pas pourquoi, toujours ridicule, mais c'est toujours genre, regardez, c'est. Ça me ressemble vachement, j'ai c'est les mêmes fringues. Fringues. Ouais, c'est toujours un peu nul, je trouve. J'adore le musée Grévin. Enfin, moi, franchement, ça me fait marrer à chaque fois. Est-ce qu'ils payent tout, la cérémonie et tout, ou c'est comme les chevaliers des arts des lettres? Je pourrais demander à Clara, parce que Squeezie, il a fait le musée Grévin et je sais qu'elle était présente sur les trucs. Je pense que ça doit être avoir un truc un peu. Est-ce qu'ils peuvent pas juste faire un moulage du visage des gens et comme ça, ça leur ressemble, peut-être? Parce qu'à chaque fois, vraiment, les statues. Ça ressemble pas exactement. Bah, à chaque fois, ça ressemble pas, quoi. Ah, c'est mieux en mieux. Sauf que le plus traître, c'est les statues. Les statues, tu vois, les statues à la Rocky Balboa, là, ils ont fait la statue de Cristiano Ronaldo. Ah oui, mais ça, là, elle est particulièrement dégueulasse. Ça, c'est très, très, très dur, ça. Parce que le mec met du temps à le faire, je pense. Ouais. Et voilà! C'est une chiasse, hein, Diego. C'est une chiasse. Mais il y a, putain, il y a. Et il y avait Eric. Ah oui, non, putain. Eric et Ramsey. Mais non, mais c'est celle de Squeezie. Celle de Squeezie. Qui était, je le dis ici, une idée de ma compagne. Parce que Clara produit les trucs de Squeezie. Et c'est elle qui a eu l'idée. Elle est créditée. Je suis contente que tu lui rendes hommage. Non, non, mais c'est elle qui a eu l'idée de mettre les faux avec Ramsey au musée Grévin. Je trouve ça beau, c'est trop ce que marrant. Tu fais. J'ai eu un petit coup de gueule pendant la victoire du PSG. Ah. Où j'ai trouvé que ça manquait d'hommage aux compagnes des joueurs. Je me suis dit, mais vraiment, remercie tout le monde, sauf les meufs qui sont solo toute l'année avec des gosses. Avec beaucoup de sacs à main, certes, de très bonne qualité. Peut-être et de pas très mal bonne de nounous aussi. Peut-être pas mal de nounous. Oui. Mais même rendez hommage aux nounous. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a très peu de fans de footballeurs qui disent je fais à bouffer, c'est un enfer. C'est très dur. Mais c'est des prisons le Dyson, dorées, tu sais ce que c'est. C'est vrai, comment c'est le vrai. Le Dyson. Non, mais dans certaines. Elles sont là avec leur fric et leur womanizer. Tu crois que c'est ça le bonheur? Non, non, non, mais. C'est un peu ça le bonheur. Il est où le bonheur? C'est vraiment la définition. C'est un peu ça. C'est la putain de définition. Moi j'adore, mais c'est ma vie de rêve. Même. Non, je connais des fans de footballeurs d'un niveau. Les fans des footballeurs des Girondins de Bordeaux, elles ont une vie tout à fait simple et tout à fait. Elles ont du courage. Parce qu'il faut se taper tous les matchs. Si une femme riche veut m'entretenir, ça peut se discuter, moi, hein, franchement. Proton VPN affirme avoir vu ses inscriptions grimper de 1000% en 30 minutes. Suspension de Pornhub pour l'interdiction des 18 ans. Oui, parce que les sites porno ne sont plus accessibles. Enfin, certains sites porno ne sont plus accessibles en France du tout. Ouais. Tu dois faire quoi pour y accéder? Donc prendre un VPN. Ils ne le sont plus. Et on va où? Oui, non, parce mais... qu'en fait, c'est les sites porno qu'on dit bon, en fait, là, il y a trop de trucs pour vérifier que vous êtes majeur. Mmh. Oui. Eux oui. disent, mais ça, j'y connais rien. Que en gros ça fait des fuites de données, je sais pas quoi, ça ressemble surtout à vous perdez de l'argent, mais oui. bon voilà oui, oui, oui. Et donc du coup pour s'opposer à la décision du gouvernement, leurs sites ne sont plus accessibles en France. Donc Pornhub, YouPorn et RedTube ont bloqué depuis le 4 juin leur accès en France, protestant contre la nouvelle obligation gouvernementale de vérifier l'âge. Il y en a plein d'autres. Ça c'est un enfer. Il y en a plein d'autres. Moi j'aime pas, de toute façon ça m'excite pas ces trucs là. Ouais, moi de toute façon je préfère C'est ce soir ou C'est l'hebdo. Je baisse devant c'est l'hebdo. Devant c'est l'hebdo. Ah, j'adore, mais t'as je suis sapio. Non, mais... C'est vrai que t'es sapio, tu me l'avais dit. Il y a, du coup, moi j'ai du coup testé. Ah oui. Le, parce que du coup, en fait, il, oui, il proteste contre. Oui, oui. Pour, non, mais. Pour me branler tout bonnement. Non, non, mais du coup, bon, en gros, il tout bonnement de Julien Clerc. Oui, oui, bien sûr. Non, mais. Non. En gros, c'est en protestation par rapport à la nouvelle loi qui est que t'es obligé de prouver que tu es majeur pour aller sur des sites de cul. Et tu te fais comment pour prouver ? Eh ben, j'y viens. Je crois qu'il y a deux méthodes, dont une qui est. Cliquer sur les vélos. Trouver 6 vélos. Non, bah c'est hyper dur en plus. Non. C'est non, mais c'est pire. Tu dois prendre un selfie et oh non, Baptiste non. qui bah, veut pas avoir. En vrai, c'est horrible. Et ce qui est terrible, c'est que moi, j'ai. Bon, je me dévoile, hein. J'étais dans mon lit et ils disent mettez votre tête dans l'ovale. Et donc moi je suis allongé dans donc mon lit. Donc tu vois déjà. C'est donc, quand même non, le pire déjà. Truc que t'as envie de faire et avant c'est... de te branler. Et c'est ce que disait Urbain dans Podcastos. Il disait t'es obligé vraiment de te regarder dans les yeux avant de te branler. Genre regarde-toi mon pote. Et donc c'est le ça pire. Mais le pire c'est que c'est genre zoomé. Donc tu mets ta tête dans le truc et beau. Après il t'affiche la photo et en fait c'est beaucoup plus large et donc tu te vois torse nu dans ton lit genre c'est horrible. Je vais dire, et ils mettent ta tête sur un dessin de mec musclé comme à la plage. Non justement. Et après quand t'as fini la vidéo t'as toutes les photos qui sont sur un site, ils viennent de se branler et puis tu vois tout le monde passer. Comme dans Minority Report. Moi il y avait Bruno Salomon qui venait de se branler et ils analysent ton visage et ils disent oui effectivement vous êtes majeur quoi. Mais alors que j'ai quand même l'impression là on voilà mais tu, à mon avis tu prends la statue de cire de Macron en photo. Ça marche ou pas? J'aimerais bien savoir. Ouais. Ça veut ouais. Mais en plus, il y a quand même un truc où j'ai l'impression d'aller au musée Grévin juste pour essayer. Avec un porno, mettre porno au musée Grévin comme ça. Tu prends n'importe qui dans la rue. Non mais en vrai ça dans la rue. En vrai, c'est ça veut dire que t'as envie de te branler, tu vas dans la rue, tu rentres chez toi et tu retournes chez toi. Ouais, faut être déter quand même. Ouais, puis il faut bien actualiser la page à chaque fois, ça se referme après ça repart. Ah bon ? Ah oui, il faut le refaire à chaque fois. T'es sûr qu'il y a pas un truc genre mémorisé parce que j'ai vu qu'il enchaîne 8 pornos à chaque fois quand il. Non mais parce que j'ai vu qu'il je suis en tournée depuis un an et demi. Et s'il a pas couru, imaginez alors. Non mais parce que j'ai vu qu'il y avait un truc genre wallet ID ou je sais pas ou ID wallet ou je sais pas quoi pour justement ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Si je peux te donner un tip. Mais non, surtout moi j'ai l'impression qu'il y a quand même d'autres façons de vérifier. Enfin quand on était ne serait-ce que des fois je dois valider moi quand je vais sur Google ou Gmail ou un truc comme ça avec mon téléphone quand c'est sur mon ordi. Rien que ça, ce serait une sécurité. Tu peux être mineur et avoir un téléphone. Et un ordi. Et un ordi. Non mais je veux dire si tu si tu joins tu branles sur l'ordi de tes mais si tu branles sur l'ordi de tes parents, c'est pas ton téléphone qui est lié. Faudra à l'ordi. Poser des questions culture que générale. Il y a un truc où ton téléphone il est pas lié à l'ordi, il est lié à ton compte Google. Enfin ton compte Google. Ah, non, mais qui se met dans la position des mineurs qu'on. Moi c'est plutôt des vrais mineurs en danger, tu vois, moins de 18 ans. Parce que si t'as si un mineur au chiotte fait bah tu peux me donner le code que tu as sur ton téléphone, c'est pas pour branler. Oui mais ça n'empêche pas de juste de vérifier un truc sur ton téléphone, ça te. Oui, mais les mineurs n'ont pas et un téléphone et un ordi et machin. Il y a l'ordi de la maison et ils ont un téléphone. Donc il faut connecter leur Gmail sur l'ordi de la maison. Oui non mais t'as raison ça. Il faudrait juste demander qui a gagné la Star Academy 5. Qui est parti comme un prince. Non, je reprends ma liberté. C'était qui? Oui. Vite. Ah putain. Laurent. Non, bah non. C'est pas Harlem. Ah putain. Non, c'est pas lui. Non. Pas du mais tout. Harlem, il a pas du tout gagné. Il a pas gagné. Non, il le type qui a dit j'attends pas qu'on me donne ma liberté, je la reprends. Il est parti. Oui, putain. Un rocker, un genre de. Steve Statoff. Non, pas Jérémy Chatelain. Pas... C'est pas Patchy. Non. J'attends pas. J'ai croisé le jour. Harlem, il est SDF, je crois, maintenant. Merci de niquer l'ambiance. Je crois, je crois Pierre. Avoir vu ça. Pierre, j'attends pas qu'on m'en donne ma liberté, je la prends. Très frais lui. Pierre Nesta. C'était un grand move. Ouais. On s'en souvient encore. Nico s'y pense. Manu. Je m'en souviens ouais. Et ça en fait bien c'est comme pas juste pour authentifier l'âge. Qui a dit tata ouais. Non putain mais non, mais tata c'est même, non. Mais c'est même un captcha. C'est genre OK. Qui est Steve Statoff? Et t'as plein de photos. Et tu dis moi je sais que c'est lui. Tu mais... n'as pas 18 ans. Ouais non. Là t'as mélangé avec Jonathan Serrada. Ça n'a rien qui à voir. Qui meurt en deuxième dans Souviens-toi l'été dernier. L'original ouais, ça paraît. Alors pas il n'est plus SDF. Mais il a été SDF oui, il y apparemment il est passé de SDF à entrepreneur apparemment. Ah oui donc c'est vrai c'est... Ce qui est pour moi peut-être un... du camping. Non il ouais. C'est un... Oui Harlem qui était le rappeur. Ouais, oui, le rappeur de la c'est terrible. Alors, déjà, Alison, il était trop en avance. Elle regarde toutes les émissions de Télécrochet. Elle ça. Est complètement fan. J'ai très hâte d'être en septembre pour la Starac. Mais moi, je comprends. Et T'adores ça? Tu pourrais. Non, mais moi, ça existe beaucoup sur Twitch. Et moi, je l'avais pensé à l'époque en podcast. Je trouvais que ça a été un trop beau mais podcast. Mais moi, je rêve de faire. Elle veut faire l'équipe TV. Oui. Ah. L'équipe TV, mais l'équipe du soir, mais sur les télécrochets. Oh, c'est une bonne idée. Avec des consultants très pointus. C'est une bonne idée. Là, de me fouetter. Il est malade. Non, mais il faut le faire sur Twitch. Il faut que sur Twitch, ça cartonnerait. Avec des. On vient parler de composition d'équipe pour les épreuves. Moi, ça m'intéresse. Je pensais qu'ils ont sondé. Moi, tu as volé. Attention, quelqu'un m'a volé. Ils ont sondé un copain à moi, ça va être très facile de deviner qui, pour être prof de théâtre. Arnaud de sa mère. Il a fait une intervention géniale. Il connaît tout, Arnaud. Mais t'aimerais bien être prof de théâtre de la Starac? Non, je serais nulle. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, je vais être hyper dur. Mais non, parce que ça peut être. Moi, je me souviens. Et en plus, c'est Philippe Lelièvre. Ouais, Philippe Lelièvre, extraordinaire, très marrant et qui était trop bien en prof, ouais. Mais quand même. D'un coup, il était très sérieux, quoi. Parce que d'un coup, tu voyais. C'était de regarder la chaîne qui diffusait en continu. Ouais. Et tu voyais Philippe arriver faire n'importe quoi. C'est parce qu'évidemment, il montrait pas ça dans la partie résumé. Mais il a vraiment fait des trucs. Il a fait n'importe quoi. Mais très drôle, Philippe Lelièvre. Non, ce qui me chiffonne un peu dans les nouvelles saisons, ça me froisse un maximum. Je suis un papier canson. T'es un buvard. Audrey Buvard. Et c'est là que tu. Elle est bonne. C'est là que tu vois que je vais mal vieillir. C'est que. Le côté prof et bienveillance, on dit beaucoup que c'est bien, ouais. Et on dit peu que c'est pas très bien. Toi, ouais, tu préfères Raphaël? Non, alors les trucs qu'on mal vit. Non, la prof. Raffi Ricci avec ses pics, level up dans le métier. Qui regardait, qui mettait pause, qui fait. T'es content de toi là? Tu devrais pas. Tu devrais pas. Ah, Sophia et Saïdi, c'était trop grave. Elle faisait des portées de l'espace. Elle défonçait tout le monde alors que vraiment. Mais pas grand capital sympathie, malheureusement. Mais à l'époque, qui est sympathique à 21 ans? Mais on aimait ça même à l'époque. On aimait ça. Sophia versus Nolwenn ou c'était Elodie Frégé? Je suis perdue. Moi aussi, je suis perdue depuis 5 minutes. Ouais, moi j'avais un peu lâché. J'ai lâché Anne et Magali Vahe et même Cyril, j'ai jamais écouté. Je crois que c'est la même promo, hein. Sophia, elle est avec Grégory Le Marchal. Ah. Et Nolwenn, elle est avant, donc c'est la 2. C'est Nolwenn et Elodie Frégé. Non, tu sais ce qui est introuvable, c'est les épisodes de Popstar. Et ça, c'est dommageable. Ouais, ouais, on perd quelque chose. Qui les a? Je connais des gens. Mais lui, il connaît tout RTL, MC. Mais je trouve pas ça, sur YouTube, je peux pas voir. T'inquiète. Alors, c'était marrant parce que c'était l'époque où les chanteuses chantaient fort, faisaient des grands gestes, et il n'y a plus ça. Ouais. Maintenant, c'est des voix fluettes, c'est de l'émotion. Oui, mais parce que la musique a changé. Et avant, c'était Donne Anna Filos. C'était sacré fort. Qu'est-ce que tu chantes bien, Wheeler? Ça, c'est Myriam Abel que je viens de reprendre. Mais non, qui mais venait elle chante, de l'Argentine. Chante divinement bien. Et on le sait. Tu as vu son spectacle ou pas? Alors, j'ai pas encore vu son spectacle. Mais une belle merde. Hein? Pourquoi je t'ai pas invité? J'ai invité personne. Mais c'est pas grave. Moi, nous, tu on m'as on pas invité. J'ai mes producteurs. Elle chante à la fin. Elle calme tout le monde. Oui. Je te dire mon coco. Mais attends. C'est un appel du pied à Julien Clerc. Alison, pardon. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Mais déjà à l'époque du Beagle, elle voulait chanter, elle voulait. Mais pourquoi je passe à côté de ma Il y a eu la chanteuse de salle de bain, il y a eu Sydney, il y a eu plein de choses où elle voulait donner de la voix. Mais j'avais pas de goût. Le goût est venu tard. J'étais bercée par justement les gens qui chantaient fort et qui étaient très démonstratifs. Et maintenant, en fait, je crois que je suis pas née au bon moment. Mais parfois, c'est mon truc avec The Voice. Parce que si The Voice c'est tu la voix. Tu regardes ça toi? Ah oui, tu regardes ça. Non, avec ta meuf. Non, je regarde pas, mais j'aime bien les reels. J'aime bien les. Ah, les petits instants émotions. Voilà, les petits instants émotions. Je picore, moi, si tu veux. Et je trouve que souvent, c'est des gens qui ont des univers et tout, mais pas vraiment The Voice, la voix. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une vraie bonne voix à l'ancienne. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est quand les jurés disent toi, c'est bon, t'es déjà un chanteur, donc on te prend pas. Ouais. Et ils préfèrent prendre des gens imparfaits et je peux casser ma télé. Mais gars, tu vois bien qu'il y a tout à faire avec le bonhomme. Donc c'est quoi? Tu prends quelqu'un pour ton ego, pour le former, pour dire c'est moi. Mais c'est pareil dans le cinéma. Bah, parce qu'ils veulent. Elle s'est levée, c'est cassé. Non, mais c'est pour avoir de la dramaturgie de mais... il est pas très bon et à la fin il est bon. Si ouais, c'est comme un film où Netflix, genre la. Nous emmerde pas. Des chercheurs chinois, et oui, reprenons le jeu du Floodcast, ont mis au point des lentilles de contact totalement révolutionnaires. En quoi consistent-elles? Elle voit à travers les habits. Putain, trop fort pour voir la nuit. Vous l'avez dit. Pour voir la nuit. Ah oui, pour voir la nuit. Attends, putain, j'ai même pas. Ébloui par la nuit. C'est qui ça? Zaz. C'est Zaz. J'aime bien. Des chercheurs chinois ont mis au point des lentilles de contact capables de détecter l'infrarouge. permettant ainsi de voir dans le noir grâce à des nanoparticules intégrées. Ces lentilles perçoivent des signaux lumineux normalement invisibles à l'œil humain, même paupières closes. Une avancée prometteuse. Ouh, non mais j'ai pas envie de ça. Moi. Non bah ouais. Pour dormir. Mais faut fermer les rideaux. Bah tu les mets pas, je crois. Tu les mets pas. Ah oui, faut les enlever. C'est quoi si tu disais les lunettes de soleil? Ah ouais, quand c'est la nuit, tu fais quoi? Bah, j'ai déjà dormi avec des lunettes de soleil. Ah oui, ouais, c'est bah, vrai qu'après sûr. La tournée du trio, bah, monsieur. Excusez-incognito. Excuse-nous, Bachung. Tranquille après. On vous attend beaucoup à la sortie du spectacle. Un peu, ouais. Vous avez un côté, bah maintenant, un peu boys band moderne de l'humour. Hein. Ouais, oui. Ouais. Il y a des gens. Tu peux l'avoir ton musée Grévin. Non, mais que tous les trois. Je refuse. T'es un peu Franck. Je refuse. T'as des petites fans hardcore. Mais vraie question. On te propose le musée Grévin, tu refuses? Je refuse. Ah ouais. Je veux pas avoir ma. Ah ouais. Non, je... J'y vais s'ils me refont le nez, genre un truc super petit. Arrête avec ton. Non mais si ça c'est drôle. T'es oui, sublime. C'est drôle, c'est drôle. Qu'est-ce qu'elle est mais belle. Mais ils le font très très fin et très long, tu sais. Il y a pas, une avant-première, il y a pas une avant-première, on vient pas me dire qu'est-ce qu'elle est belle Alison. T'étais où quand je mettais des 7 euros d'essence, connard? Non, mais, tu vois, il y a des meufs qui disent j'en ai marre qu'on me m'aime pour mon physique. Moi, je voudrais qu'on m'aime uniquement pour mon physique. Je veux être. Putain, oui, et c'est si. Attention à. Be careful what you wish for, comme oui, on dit. Hein. Le génie du mal. Tu peux demander pas l'anglais. Ça. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, bref, pour l'instant, ces lentilles ne permettent pas une vision fine ou détaillée. Les chercheurs évoquent cette innovation comme une première étape nécessitant encore des progrès en sciences des matériaux et en conception optique pour une application complète, notamment dans des conditions naturelles nocturnes. Ce type de technologie pourrait à terme offrir des usages variés comme la détection de chaleur corporelle. Voilà. Ah, parce que c'est pas le cas encore. Bah, c'est infrarouge quoi, donc c'est pas. Ouais, chaleur corporelle, c'est-à-dire tu balayes le corps avec ton regard et tu vois où ça a chaud. Exactement. Voilà. Par exemple, si je te regarde. Enfin, tu vois déjà les corps déjà. T'as chaud. Pardon, mais là, alors, on va revenir très très vite aux bases du floodcast. Les mecs qui louffent à l'aéroport, tu vas avoir des nuages de fumée. Ah bah alors. Le mot louffé, c'est le mot le plus drôle de la langue française. T'as louffé. Non. Ah si. T'as louffé. Il est bien. Ce serait quoi le super pouvoir que vous aimeriez avoir? Arrêtez le temps qui passe. Oh, quel beau. Et c'est le temps qui court. Et c'est le temps qui court. Et c'est le temps qui court. Court, court, qui devient sérieux. Putain. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Et pourquoi ça revient pas la fureur? Non mais la fureur c'était fou hein. Franchement, ils en ont fait un au Parc des Princes, gars. Ah ouais. Je sais même plus ce que c'était. Il y a Arnaud Gidouin qui arrive en live au Parc des Princes et qui chante. Moi j'aimais les années tubes. Je ne connais pas tous c'était les trucs. C'était avec la troupe Roger Louret. Ah, il y avait des chanteurs. C'est années 60 ça. Roger Louret, mais oui, mais t'as. Oh, mais t'es vraiment. Ils arrivaient à chanter des tubes. C'est quoi, ce truc? C'est une émission de variété. Ils très bien de où ils faisaient chanter, ils faisaient des machins. En fait, t'avais des thèmes, c'était l'année 93 et ils reprenaient tous les tubes de l'année 93 dans une émission. Roger Louret. Et ça te faisait ton best-of. Non, mais c'était bien. Qu'est-ce que c'est? Les années tubes. Casting principal, Jean-Pierre Foucault, la compagnie Roger Louret et Lou Béga. Ouais. Wow. Non mais voilà, t'avais l'année Lou Béga. C'est moi, là où je... il a fait les 4 premiers Mambo avec cette émission. Non mais moi, ah, c'est que moi, je faisais des booms quand j'étais à l'école primaire, au collège, j'étais DJ. Oh. J'amenais ma chaîne IFI, je tournais les enceintes et c'est moi qui passais les CD. Ah, t'étais ce gars là. Et j'ai acheté les compiles du Hit Machine et les années tubes. Donc t'avais. Ah, voilà, voilà. Et j'avais 93, 94, 95, oui. 96. Du Damien Sargue. Slow 96, machin. Enfin, j'avais les compiles de Slow, plein de compiles, c'était trop bien. Mais moi, quand j'étais gamin, il y avait non seulement la Fureur, mais il y avait la mini Fureur. Et parce qu'il y avait cette époque où ils faisaient les trucs pour les enfants et c'était Jonathan Lambert. Et Véronica Loubry. Mais il faut qu'on revoie ça, je t'en souviens. Oui, viens, on retrouve ça, on regarde. Oui. Et c'était genre des enfants qui chantaient, qui jouaient du karaoké, qui machin. Et à l'époque, il y avait des émissions pour les enfants. Je me souviens même, il y avait eu un quiz Disney à Disneyland Paris présenté par Jean-Pierre Foucault. Et quand t'étais gamin, t'étais trop content de voir sur la. Enfin, moi, j'avais ce truc-là de. Putain, sur la télé, ouais. Il y a des enfants de mon âge qui jouent à des jeux avec Jean-Pierre Foucault. Ouais, le bonheur. C'est incroyable, bien, saga. Comme quoi, la représentation, c'est très important. Même je crois qu'il a eu kiffé des millions avec les gosses. Mais tu sais que la fureur, c'est un accélérateur de carrière pour. Tu sais qui? Non. Arnaud Gidouin. Patrick Bosso. Ah ouais? Non, Arthur, en fait, il m'a raconté que quand il crée la fureur, il voulait. Parce que sur les audiences télé, il disait putain, on n'a pas le sud-est. Donc il disait, on va prendre Cantona. Ouais. C'était Eric régional. Cantona. Et ils disent, non, il y aura pas. Il voulait Joël Cantona. Ok. Et Joël Cantona dit, ça me casse les couilles, je le fais pas. Par contre, j'ai un ami comédien, il s'appelle Patrick Bosso. Ouais. Et Patrick Bosso, il arrive à la fureur. personne ne le connaît. Ouais. Il dit juste, tu es comédien. C'est Patrick Bosso, comédien qu'on adore. Et juste parce qu'il avait l'accent, il avait ce truc très cool. Et il avait tellement une cote de popularité énorme, on lui a dit, fais un spectacle. Et il n'avait pas de spectacle plus que ça, tu vois. Okay. Donc ils l'ont balancé dans un théâtre. Non, et ils mais ont, c'est intéressant. Et, non, mais je te jure, c'est vrai. Ils ont fait de ma gueule parce que ça m'intéresse. Non, plus non, que vos merdes de Star Academy pour t'as fait la minutes. Gueule sur la Star Academy qui mangeait sa pâte de fruits japonaise là. J'ai chié comme un mec. Là, ça m'intéresse, on se fout de ma gueule. Mais on nous casse les couilles avec Paul Mirabel qui fait 50 millions de vues à Montreux et Patrick Bosso, il est Etienne, on t'aime bien. Et les mecs, ils lui ont lancé sa carrière parce qu'il avait un accent du sud à la fureur. Je trouve ça fou. Bien sûr, mais évidemment. Parce que tout le monde matait ce truc là. Mais évidemment. Mais bien voir des gens casser des trucs à la télé. Bah mais non, personne fait, non, fait ça chez Anne Claire Coudray, quoi. Tu non, mais ça a été un vrai truc, moi, de ah, j'ai vieilli. C'est quand Eric et Ramsey ont fait McFly et Carlito, et qu'ils ont cassé tout le Lego là, et que les commentaires disaient quelle horreur, waouh, et qui va ranger et tout. Et moi j'étais genre, oh merde, j'ai adoré, j'ai trouvé ça hilarant. Oh, en fait, ça y est, je suis un Lego, boomer. C'est ça y est, je suis un énorme ratgard. Moi, ça m'a, oui. Ben, moi, c'est l'inverse. Je me suis dit que j'étais vieux parce que je me disais, ah, ça me fait pas marrer. Ça me fait plus marrer, quoi. Donc, l'inverse, genre, ah, oh, moi, je suis comme les jeunes. Bah, non, ça... parce que quand j'étais jeune, ça me faisait marrer et maintenant, je suis genre, oh. En tout cas, quelque chose a changé. quelque chose s'est brisé. Mais la fureur, ça reprend, tu y vas, toi. Oh, bah, arrêtez avec vos émissions de merde, là. Putain, on peut pas parler d'autre chose. Mange ta pâte de fruits à chier, là. Adrien, quand t'étais petit, est-ce que tu. Mais je vous emmerde. Interville. Interville revient. Ouais, sans attends, la vachette. Mais oui, ça revient. Attends, là, vous l'aurez chopé. Là, je le connais, mon Adrien. Vous êtes en train de me l'aurez chopé. Attends, ils vont changer de générique. Ouais, mais ah bon. C'est Vianney qui va faire. Alors, connaissez-vous la règle du caca? Là. Les 3C? Alors. Ah, café club caca. Non, c'est pas ça. Non, c'est la poop rule qui est devenue virale sur TikTok et c'est une vraie règle pour. Déterminer quelque chose, mais à votre avis quoi. Ah, c'est quand t'es en couple non, et tu peux aller c'est non, pas un truc mais comme ça, ça. Okay. Ça mais ah non. Faut-il mettre du spray ou craquer une allumette? Ah non, c'est pas ça. Faut mettre de la musique? Non. Attends, c'est une règle, ça concerne le couple? Ça ne concerne pas le couple et surtout ça ne concerne pas les humains. Faire caca. Oh. C'est lié au caca, c'est-à-dire que c'est on imagine un truc avec du caca, mais c'est pas ta façon de chier par exemple. Est-ce que c'est basé sur le fait d'imaginer quelqu'un en train de chier? Non. Non, mais oui, comme imaginer les gens à poil, parce que j'ai jamais compris oui, ça. Voilà. Genre, si t'es stressé, imagine-les à poil. Ah bah, vous m'avez jamais vu avec quelqu'un à poil. Oui, je suis tellement c'est stressé. Vraiment. Vraiment. Ah, puis surtout, c'est pire quoi. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Oui, bah, en train de se branler carrément, sinon quoi. Ah, imagine, il se branle devant toi. Ah, bah, là, je suis détendu. Ah. C'est récurrent chez toi, la branlette. Oui, oui. Ça s'appelle le célibat. Non, il paraît que ça aide à travailler. Se branler? Ouais, c'est les gens très créatifs. Les gens très intelligents et cultivés. Né en février. Non mais en plus pas plus que ça. Alors attends, je peux vous dire un truc. J'ai été chez un urologue, tu le sais. J'ai été voir un urologue il y a pas longtemps. Bravo. Tu veux une médaille? Non, j'ai le gynéco depuis que j'ai 14 ans. Mais alors qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ouais mais en vrai c'est vrai qu'on y va pas assez nous chez. Non, j'ai été chez un urologue pour un futur examen. Mais donc et... tu t'es vraiment fait mal quand on a ta braguette là? Non rien non, à voir. Non okay. C'est pas ça. Non. Il t'a fait quoi? Alors, en fait il va faire une vasectomie. Je suis en train de voir pour me faire une vasectomie. Donc j'ai dit bon écoutez apparemment tu peux te faire sectionner le canal sans scalpel et tu peux le remettre après. C'est au plus laser. Facile de se faire couper le canal que résilier son abonnement canal d'ailleurs. Oui. Et donc j'ai été voir l'urologue. L'urologue et il m'a dit bah voilà c'est ça vous faites comme ci comme ça. Il m'a dit venez je vous. Attends vous faites comme ci. C'est toi non, qui fais tout seul. Non mais il t'explique. C'est la chanson. Il c'est comme, si, tuto, c'est comme ça. Il t'explique l'opération et tout. Et en plus il est sexologue donc il parle, il dit c'est vachement important pour la libido tout ça machin. De quoi? De se faire faire une vasectomie, il dit c'est bien pour la libido pour parce que. Ah bon? Ouais oui il dit que c'est mieux. Je sais pas si je serais turned on s'il y a pas le risque de tomber. Et donc après il fait l'examen, il t'allonge, je dis bon, tiens puis t'as ce truc d'enfant, je me mets tout nu. Il dit, ah bah oui sinon puis il a déjà ses punchs préparés, bah je vais pas le faire à travers le jean. Hein. Ah ouais, j'aime pas. Et il me met la main, il me met le doigt là, il dit voilà vous voyez c'est là que je vais sectionner, la douleur ça va être ce niveau là et je sens absolument rien. Et il touche mon canal, il fait ah c'est un bon canal. Et je fais ah bah je suis abonné. Une petite blague. Non, une blague TNT. J'ai pas fait 11 zéniths pour rien. Hein. Et le mec arrivait à dire mon niveau de libido. Il me dit en fonction de la taille du canal. Il m'a dit ouais. Je dis non mais sérieux, vous êtes sérieux? Il me fait ah bah oui, j'arrive à savoir. Il y a un loup qui. Non, c'est un petit camtar. Non, c'est une. Non, c'est les mini. Je sais pas, écoutez, c'est la libido de Baptiste. Il y a un loup. Non, c'est un travaux. C'est le canal de Baptiste. Les gens l'entendront pas. C'est le vent qui s'engouffre dans le canal de Baptiste. Mais non, mais j'ai fait. Comment tu souffles dans une bouteille? Mais je lui ai dit oui oui bah je suis beaucoup en tournée, je me masturbe beaucoup. Il me dit oui, j'arrive à voir. Ouais. Wow, ouais. Non mais gars, tu te fais. No judgment. Ouais. Oui, et si tu veux, et si tu veux aller accéder à Pornhub, tu dois aller voir ce mec-là en plus. Il a dit oui, je vois bien, vous êtes en train de vous branler là voilà, maintenant. Ah oui, mais c'est fou, en fonction de la taille du canal. Ah ouais, ouais, je savais pas. Incroyable. Putain, on t'es gaulé quoi. T'es gaulé. Putain. Alors ça nous dit pas ce qu'est la règle du caca. Oui, la poupe roule. La poupe roule. La poupe roule. La poupe roule. Qui est aussi effectivement une Corée des années 90. La plage de la poupe roule. Danse la poupe roule. Ça vous est sur la droite. La Patrick Bossos. La poupe roule. La poupe roule. Je suis comédien. Oui. Poupe roule. Et pour le stress. Hein. Viens poupe roule. Viens poupe roule. Viens. La poupe. Non, vous l'avez pas. C'est pas grave. Non. Viens Poupoule, la viens chanson. Poupoule. Ouais. Ah, je la connais pas. Ouais, Poupoule. Vieille chanson. Oh ouais, putain, vraiment c'est très vieille. Ah, viens bah, c'est genre, viens Poupoule, viens Poupoule. Putain, attends. Pour moi, t'inventes. Si, si, je vois Adrien, je vois Adrien. Dans les maisons de disques, à l'époque. Arrête de t'abîmer à l'intérieur, Adrien, putain. Exprime-toi, bordel. Il se met une pression folle. Tu comprends pas avec la Sébasto, fais la poule. C'était une autre chanson. Fait la poule, ça fait c'était un poule. Incroyable talent là. C'est possible. Ah oui, donc c'est, ouais, ouais, c'est vraiment très très vieux hein, parce que les images c'est en noir et blanc. Noir et blanc. Ah ça. Ah oui, d'accord. Après Paris venait d'être libéré hein. Donc, allez, dis le truc. Dis la poupoule là. C'est vraiment la musique une fois que t'as tué beaucoup de nazis. Le samedi soir après le turban. Pour déconner. Pour être bien placé, car il faut au coco. Pardon, désolé. Voilà, bon. Car il faut sans doute mon coco. Sans doute une chanson problématique de l'époque. Je sais pas. J'ai pas toutes les paroles. Mais j'ai une question sur la vasectomie. Poupoule. Tu dois faire plusieurs rendez-vous pour dire ouais. Pour confirmer ton choix, c'est bah, ça. Bien sûr. Il bah, te oui, le oui. questionne beaucoup. Tu peux pas. Ouais, c'est ouais. pas un seul est-ce rendez-vous. Est-ce que vous voulez garder du sperme de côté machin, tu vas en. Je vais en congeler. En stocker, ouais. Non, ça me fait kiffer de savoir qu'il y en a dans un frigo. Parce qu'il y en a dans tous les hôtels de France. Entre deux Ben & Jerry's. Attends. Pas celle-là. Oh non. Oh là. Oh là. La Chunky Monkey. C'est pas. Tu vas en garder. Je vais en garder un peu. Ouais. Et comment ça se passe un sous peu? Tu fais combien? Tu fais combien? Bon, je crois que c'est ça se une bouteille d'Evian. Ouais. Vous voulez qu'on fasse une... Je l'ai souvent posé à Florence cette question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, c'est le soir du Nouvel An, tu sais, quand il y a le 31 sur TF1, tu montes la transition coucher. Me terrifie. Non, tu sais, c'est le 31, tu montes te coucher, bonne nuit papa, bonne nuit maman, et tu te couches, tu te branles et tu te dis cette année je vais compter le nombre de fois que je me branle. Ça t'est déjà arrivé? Jamais. Ok. Moi ça m'est pas arrivé, mais j'ai adoré cette question. D'avoir démarré l'année en disant tiens, cette année je crois que je vais compter le nombre de fois. Donc c'est genre c'est ta bonne résolution quoi. C'était un peu ma bonne résolution. J'aime bien que tu l'aies installé un peu comme un truc stylé et tout. Ok, tu montes. Le silence. La demeure est à nouveau silencieuse et là tu te branles et tu te dis cette année je vais compter le nombre de fois. Bon, non mais je me disais vraiment. Combien de temps ça met à remplir une bouteille d'un litre 5 quoi, tout ouais, comme ça, bien sûr, bien sûr. Ouais, attention, ça ne nous dit pas ce qu'est la poupe roule. Oui, la poupe roule. C'était la dernière question que tu voulais sur la vasectomie, c'est ça? Alors encore deux questions pendant l'émission. Ça viendra. Mais ils viendront demain. Et après, non, attends. Et sinon, truc fait intéressant. Une FAQ sur à partir de combien d'éjaculation il n'y a plus de. De sperme dans le. Il m'a dit, et je lui ai demandé, je dis à partir de combien. Ça dépend qui déjà. Ouais. Il fait 10-15. Quoi? Mais après, voilà. Il reste. Énorme. C'est quoi mais le. À bout de 3, t'as mal déjà, donc en fait, ça n'a pas. Non, mais attends, parce que t'as 7 jours. Au bout d'une, tu dors déjà. Tu me connais. Au bout d'une, tu pleures. Non, mais attends, mais t'es pas obligé de les faire tout le temps. Mais tu me connais, moi, c'est ce qui m'a terrifié. Je fais, ok, je peux pas faire de sport pendant combien de temps? 7 jours. Je fais, quel enfer. 7 jours sans sport. Bon. Le temps que ça cicatrise ça après un peu. Bah non, quand même faire des. Tu mets les cours, lui. Non, mais lui, c'est courir. Lui, c'est cardio. Courir, mettre du froid, vélo. Mettre du froid sur tes balls. Oh, tu vas devenir très, très agressif. Ouais, ça, je vais pas être bien. Tu peux ni branler, ni. Un sac de petits pois. Ouais, vrai, je suis en train de me confier les gars. Un sac de petits pois surgelés sur c'est les. C'est sérieux ce qu'on dit là. Et après je lui dis oui d'accord mais quand je peux reprendre l'activité machin comment je peux savoir que les cuves sont vidées quoi. Tu vois comme dans le Titanic. On je vérifier. Me dis, à partir de temps de. Ouais, ouais, bien de sûr. Sas le bateau coule. Et il me dit ouais 10-15 éjaculations et après c'est bon il y a plus de spermatozoïdes. Et la texture l'aspect c'est la. Par contre c'est violet c'est couleur betterave. Non non il y a rien qui change mais il y a plus les petits machins quoi. Ouais ouais. Ça te rend pas malheureux. Ça a le goût de fusti, c'est la seule différence. Non, mais j'avais beaucoup parlé à Flo, parce que puis si je suis content, ça va nous faire un thème de sketch, je pense. Mais non, non, mais oui. je le fais, je me dis bon, allez, vas-y, pourquoi pas. Bah, c'est oh, gentil. Oui. Et l'opération, c'est réversible. Ouais, c'est réversible. Ouais. C'est ça, moi, que j'ai appris. Je pensais, en fait, j'avais ce truc c'est où je croyais. Veste. Hein? Ouais, c'est comme une veste, ouais. Non, mais en fait, c'est très ça. Et pour remettre c'est le canal. Je crois que c'est le slogan de la vasectomie. La vasectomie, c'est comme pour remettre une veste. Le canal, il fait un petit barrage de castor. Voilà, bien sûr. Ça, vasectomie, une figure. On est est-ce que les vasectomies sont réversibles désormais? J'ai cru entendre ça. Oui, c'est ça. C'est qu'on vient de dire, ouais. Excuse-moi, j'ai pensé à autre chose. J'étais hyper. Mais je comprends. Mais oui, encore sur Harlem. T'inquiète, il tirait d'affaire. Il m'a même donné le. Et il a un podcast, l'urologue, là. Il m'a dit, vous voulez pas venir dans mon podcast pour en parler? C'est une blague, ça. Non, je te jure. Il a un podcast d'urologie. Il a un podcast. Mais c'est... Non, mais sexologie. C'est Yoplait, son urologue. Il a un podcast. Non, c'est un sexologue, gens... mais il est très gentil. C'est intéressant. Ah, t'as un super canal. Ah, ouais. Ah, okay, tu peux le couper et le remettre. Ah, ouais, c'est incroyable. Je dis non, non, je le garde pour un autre podcast. Mais c'est. Ah, pardon, j'ai pas entendu. C'est un podcast d'urologie. Et de. C'est... En fait, il est sexologue. Ah, il est sexologue. Ah, ah oui. Tu lui as demandé des petites choses, des petits tips. Non, mais je lui ai demandé. Vous avez déjà eu des cas de gars qui ont dit je veux refaire. Il m'a dit en janvier, j'ai opéré. En février et en décembre, il était sa femme était enceinte. Donc tu vois, il a fait vasectomie. En janvier, il s'est fait opérer pour revenir. Ah, ah oui, oui. Non, et en décembre, elle a accouché. Ah oui, c'est ça. T'imagines, ça a marché très vite. Décembre ouais. De la, d'avant. Non, de donc. La même année. Janvier, on bon, remet c'est le canal. Le père. Tout ça pour dire, c'est pas le père. Ouais. Petit barrage, tac, ouais. Tac, tac. Et ton, est-ce que tu vas mettre de côté en provision? Ouais, je vais en mettre de si côté. Si tu t'en sers pas, tu le donnerais? Ouais, genre, je vais le donner à une asso, je pense. Si je veux m'en faire un collier, tu sais, dans du verre, juste une petite une goutte. Lampe à lave. Une lampe à lave de fer. Mais c'est le Baptiste Lecaplan, c'est stylé, on la vend sur Vinted. Comment t'as pas eu cette idée, putain, de mettre du sperme dans une lampe à lave? Oh, à mon avis, quelqu'un a eu l'idée. Non, non, pas moi. Non, non, non, non, mais quelqu'un a eu l'idée. J'ai une vanne vraiment trop trash la fin. Non, non, là, ça va aller, Baptiste. Qu'est-ce qu'on Baptiste commence à dire, c'est trop trash. Ouais, c'est, il peut pas y aller. Y a surtout qu'attendez, c'est quoi la réplique? Ah, mais oui, la qu'est-ce que c'est drôle la lampe à lave. Putain, je vais y penser tout le temps. Alors la pouproule. La pouproule. Viens, pouproule. Oui, la pouproule. La pouproule. Donc attends. Ça dit que ça n'a rien à voir avec le poup. Ça. Il l'a pourquoi c'est comment ça n'a rien à voir si mais non mais parce que c'est pas lié au fait de chier ou de faire enfin de faire caca c'est quoi. De parler c'est de caca avec quelqu'un non, ah c'est pas, non c'est pas parler de ah, caca ah tu fais pas caca dans la quand ta compagne ou ton non. Conjoint est dans la pièce non, à côté non, les vannes de caca pas les blagues ah, tu de caca tu as dit pardon ouais, ouais, non, mais quand t'es aux toilettes justement c'est une méthode de tri voilà ah, les gens qui rient aux blagues de caca non une méthode de tri non pas les couches d'enfants de tri des gens de tri des objets. Ah, tout ce qui passe par les intestins doit aller dans une poubelle. Non. Et tout ce qui. Non, c'est le pas PQ, ça. Tu le jettes pas aux chiottes. C'est pas lié au caca et aux toilettes. C'est ah, okay. Un truc un peu. J'allais dire. C'est pas lié au caca. Pourquoi ils ont appelé ça pouproule? Non, parce que il y a une logique quand même dans le nom. J'essaie de trouver un équivalent pour vous mettre. Non, mais dessus, est-ce qu'il mais... y a quand même une logique au final sur le nom de pouproule? Oui, tout à fait. Mais c'est par exemple. Mais qui concerne pas le caca. Qui concerne pas le fait de toi faire caca ou de. C'est d'imaginer concerne... quelque chose via du caca pour faire un choix. Ah! Voilà. Comme j'imagine les gens en train de faire pour me dé. Pour exactement. Me ah, désinhiber. Exactement. En fonction de ton caca, tu pars au Portugal en vacances. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est pas genre en fonction de. Les gens. Est-ce qu'il y a des particules de merde dessus potentiellement? Alors c'est pas ça, mais on s'approche un petit peu. Genre. C'est une méthode de tri. Des objets de déco par exemple? Ouais, ça pourrait marcher sur des objets de déco. N'importe quel objet que t'as chez toi plutôt, c'est ça? Ça pourrait marcher sur tout et n'importe quoi. Ok. Genre là par exemple ça, je pourrais me dire ok je peux mettre la méthode du caca dessus et la pouproule. Est-ce que quelqu'un est-ce que c'est pour prêter? Est-ce que c'est pas genre je le prête seulement si je suis sûr que la personne non. Va pas aller chier avec. Ah c'est marrant. Tu as un bouquin genre tu te dis ah il va peut-être aller aux chiottes avec c'est ça me dégoûte. Ah putain. Okay. C'est un truc qui n'arrivera pas, c'est un truc que tu t'imagines via le caca. Tu vois c'est genre ça mon téléphone. Est-ce s'il que je était... le garde, est-ce que je le jette? Je fais la pouproule, bah non je vais le garder. Ok. Ah je sais, s'il tombe dans la merde, est-ce que je le rachète ou est-ce oh que je le garde? C'est est-ce que tu es prêt à enlever la merde d'un objet? Ouais. Sinon, tu peux le jeter. Si oui, c'est qu'il a de la valeur pour toi, donc okay. Tu peux le garder. Wow. Pas mal je trouve, moi j'ai bien ah, aimé ouais, ce j'aime bien. Tout ce qui a appartenu à Liam Gallagher, moi c'est du caca dessus, je le lave et je le garde. Est-ce que je garderais si c'était entaché de merde? C'est la question, et si la réponse est non, on s'en débarrasse. Derrière cette idée choc, Becca Carl, qui a partagé cette astuce reçue de son thérapeute pour mieux gérer son trouble du déficit de l'attention. Bon, Voilà. Oui, cette règle à la fois visuelle et simple aide à surmonter les blocages liés à l'organisation, notamment chez les personnes neuroatypiques. Contrairement à des approches plus abstraites comme la méthode KonMari, elle offre une décision binaire, directe. Elle simplifie le processus décisionnel complexe. Tu chies dessus directement, ouais. Et tu vois. Ouais, mais t'es d'accord que le rapport au caca, une fois que t'as des enfants, je te l'avais dit, il change un peu. T'es beaucoup moins. Alors moi, ça reste drôle. Non, mais moi, je suis plus du tout choqué. Enfin, au début, tu te dis, ah, c'est horrible et tout, machin. Et en moi, fait, j'ai jamais eu ça sur la petite. En tout cas, enfin, je du caca. Ouais, je l'ai jamais changé. C'est okay, non, c'est j'ai jamais été dégoûté par son caca. Au tout début, j'ai quand même été très surpris. Même alléché, ce qui était bizarre, je me rappelle. Mais au tout début, c'est du ce qu'ils appellent le méconium, ouais. Ce qui n'est pas vraiment du caca. C'est ce que j'ai avalé dans le ventre de ma mère. Qui est en fait de la merde, hein. Mais goudron, tu sais. C'est. Ouais, j'ai passé à trouble. Dans le méconium de ma fille, il y avait un goéland qui arrivait pas à s'en sortir. Une équipe de France 3 Bretagne. On en a marre. Ça, les algues vertes. C'est ça. Non, mais voilà. Mais le caca de ma fille m'a jamais dégoûté, mais par contre, ça m'a pas non plus désinhibé sur le caca en général, quoi. Ce qui est marrant, c'est que genre quand tu fais manger du pain au pavot, tu retrouves les graines de pavot dans le caca, ça c'est assez marrant. Comme le maïs. Non mais il y a vraiment le maïs, ça c'est génial. Mais c'est les objets que tu retrouves, c'est un peu marrant. Les objets. C'est comme si tu faisais une brocante. J'ai les animaux aussi. Le G.I. Joe. Oui, c'est les animaux aussi, c'est vrai. C'est vrai. Toi, j'ai un petit ruban et tu le retrouves en intégrale. C'est génial. C'est adorable, mais il faut faire très attention. T'as un chat, c'est ça? Oui. Ok. Oui. Un sublime chat, même. Ah, elle est adorable. Bah, c'est non, elle n'est pas adorable. Elle est là. Elle a le mérite d'être là. Oui, mais elle le fait bien. Et je l'aime beaucoup. Ouais, merde, ce chat, c'est triste. Moi, j'ai un chat aussi. Enfin, il est toujours là. Il est toujours là. Chelsea. Oui, quel âge? Je crois qu'elle a 10 ans, ça y est. 10 ans? Ouais, ouais. Les noces de diamant. Catherine Lara. Ça fait... Oh, attendez, ça fait plus qu'une question et après faut que je vous libère. Oh là là, avant ah bon, déjà midi. Mais oui, il est attendez, midi, là, il est midi. Moins 5. Il est midi vous et après midi, je préfère vous le dire. Le matin morning, c'est fini. C'est fini. Elle était bien cette chanson. Quand je vous ai demandé, il était 11h59. Mais après, continuez. Non, mais je vous laisse. Faites un effort. Vous savez, je suis celui avec l'œuf. Enfin, bon. Moi, j'adorais la chanson Ghetto Sitcom. Ah, j'avais un pote qui était fan de cette chanson. Elle est super. C'est quoi ça? C'est This is la peste. Ah, et ouais, c'était ses singles. Après, il y a toujours une représentation des meufs qui parlent toujours comme ça. Elles sont toujours chiantes. Mais j'adorais. Et souvent fait par un mec d'ailleurs. Ouais. Après, This is, il aimait bien faire tous les persos. Ouais. Mais c'est... j'aimais bien t'as parce que c'était des sketchs. Pour rester entier, il fait toutes les voix. C'est... Après, c'était l'époque. Oui, oui. C'était l'époque. T'as pris l'ascenseur avec Pascal Praud récemment, toi. Oui. Non, ça... Alors. T'es pas une nobody. Vous n'êtes pas une nobody. J'ai adoré Nous les Leroy. Savez-vous ce qu'est l'effet Fredo? T'aimes bien ça, Fredo? C'est pour trier les objets. Non. Si Frédéric Lopez. Si il est touché par Frédéric Lopez, est-ce que tu le nettoies ou... Non, non, l'effet Fredo. C'est un truc d'entreprise, l'effet Fredo. Les cadeaux, Fredo. Les litchis. Non, c'est pas. C'est non, là, on parle des PDG d'entreprise. Ah. Sega Fredo, le café. Non, c'est quand quelqu'un t'a trahi dans l'entreprise et qui dit tu m'as déçu, Fredo. Non, c'est dans le parrain 2. Non, ah bon, je sais pas. Alors, c'est lié au parrain 2. C'est totalement lié. C'est lié au parrain 2. Alors, Fredo, c'est qui? Fredo Corleone. Donc, Fredo, c'est le frère de Corleone qui le trahit. Je l'ai vu qu'une fois. Hein. Ouais. J'ai adoré ce film. Ouais, ouais. Et tu m'as déçu, Fredo, et il le trahit. Et il l'amène sur une comme barque. Ça. Et... Hein, tu comme ça. Comme ça. Vous m'avez trahi comme ça. Putain, mais on lance la fureur. Oh, bordel, vous le savez. Alors, c'est complètement lié au parrain. C'est quoi dans les trucs de PDG ce qui pourrait arriver, donc qui serait un truc, donc tu te dis c'est quelqu'un qui trahit. Bah ton second te prend une décision sans demander ton avis. Alors, ou un truc comme ça. C'est presque ça. Il va avoir la concurrence. Non, c'est vous étiez plus proche avec ce que disait Adrien. C'est chef ça, Michael. Dit du mal de toi. Si ton second est un Parisien du Nord, non, je sais pas. Non, c'est. Ça a pas sonné. Non, ça n'a pas sonné. Non. C'était de nourrir. C'est dans ta tête, c'était complètement fou avec ta Vasek. Fou de Vasek qu'il est, lui. Je vais baiser avec un arc nerf. Tu crois pas qu'il y a des gens qui viennent prendre des rendez-vous chez des urologues régulièrement pour se faire toucher la tête. Oui, et qui en fait ils prennent aucune décision. Se faire toucher le canal. Bah alors, t'as droit à combien de rendez-vous avant de te faire. Moi j'avais raconté la façon dont. Moi je suis peut-être tombé sur le mauvais urologue, mais la façon dont il avait touché ma tub. C'était vraiment, tu sais, comme un petit oiseau mort. Non, t'essaies de retirer un chewing-gum qui est collé sur une chaise, quoi. Il avait vraiment fait. Ouais, ouais, bon, non, mais y a rien. Mais vraiment, il l'avait touché comme ça, genre, ouais, comme si c'était comme un bas de rideau que tu secoues. C'était la poufroule, quoi. C'était ça, la poufroule. Ça t'a blessé. Non, mais j'étais genre, bon, t'as fait la poufroule, en fait. Non, mais mec, il a vraiment fait, ouais, non, mais ça non, va. Non, mais je te dis pas que c'était mignon ou quoi, mais le moment où il touche le canal, il te répond, il te rassure. Je trouvais ça un peu mignon. C'est plutôt les médecins, c'est plutôt le truc de médecin. Ouais, mais c'était marrant. Puis après, tu vois, on parle au bureau, on rigole, machin. C'est vraiment. On est parti en vacances ensemble. Et en parlant de bureau, la frais de roule. Là, il revient tout le temps. Non, mais en fait, continue sans moi. Bah, écoute, je t'en parle après. C'est qui ses parents? C'est des boomerangs ou quoi? Bah, non, parce qu'ils sont pas revenus. Plutôt des prisonniers. Ils sont partis dans la ferme magique. Donc, je vais vous donner la réponse. Attends, le parrain. Non, attends, le parrain. Je l'ai pas assez vu, le parrain. Mais c'est quand même un bon film. Bon, il le trahit. Il trahit pas. Donc... Oui, c'est pas partir chez la concurrence. Non, c'est pas si ton second, ton N-moisin t'assassine. Non, fais l'accent italien et c'est très gênant. Non, je vais vous le donner. En fait, c'est quand l'héritier d'une boîte est un boulet. C'est-à-dire que c'est un truc qui touche les PDG de dire est-ce que je donne la succession de ma boîte à mes enfants? Parce que peut-être ils sont pas bons à ça. Et donc, du coup, ça peut dévaluer mon entreprise de simplement dire. Oui, mon fils va prendre la suite pour les actions, les trucs comme le ça. Le pitch de un de peu succession. Itinéraire d'un enfant gâté. Exactement. Une étude publiée dans le Journal of Management Studies révèle qu'un tiers des entreprises familiales nomment un successeur incompétent après la mort soudaine de leur dirigeant. D'accord. Ce phénomène surnommé l'effet Frédon, référence au personnage maladroit du film Le Parrain, décrit des héritiers désignés uniquement en raison de leur nom, sans réelle préparation ni compétence, pouvant conduire l'entreprise au bord de la faillite. Selon la chercheuse Kimberly Edelston, ce vilain petit canard familial est un obstacle fréquent. Des membres de la famille sont non préparés, qui n'ont peu ou pas d'idée de ce qu'ils font. En revanche, les entreprises qui nomment un successeur ayant une expérience en interne s'en sortent mieux à long terme, évidemment, malgré une période de baisse de performance les trois premières années. Évidemment. L'étude souligne donc l'enjeu crucial de la préparation à la succession dans les entreprises familiales, qu'il s'agisse de PME ou de grands groupes comme L'Oréal, Aldi ou Samsung. Si le lien familial peut être une force, il peut aussi devenir un vrai risque sans accompagnement adapté. Oh, trop intéressant. Intéressant. Merci pour ça. Intéressant. Écoutez, ça fait 1h35 qu'on parle, on va faire un petit tour de table de pas trucs que vous avez les recommandations culturelles les recommandations, quelque chose que vous avez aimé. J'ai pas pensé à ça. Oh là là, mais j'aurais été sûr qu'elle avait pas pensé à ça. J'avais mais attends, j'étais à l'heure mon con, alors t'as qu'à regarder ta montre. Ferme ton cul, j'étais sur une moto avec Coluche. Moi j'ai failli crever. Donc oui, quelque chose que tu vous avez aimé. Tu t'es coincé le zizi dans ta fermeture non éclair. Je me suis pris une putain amendée. De braguette a fait Renault comme chanson en hommage à Baptiste. Non, je vais tout à fait honnête, c'est en me lavant le zigouigoui. En me lavant le zigouigoui en décalotant. Ah là là, c'est sans. Faut jamais toi, décaloter quand il pleut, ça se sait. Ça, ah, bien ça sûr. Je le sais. Adrien, quelque chose que tu as aimé récemment, que tu as envie de partager avec l'auditeur. L'avant-dernière recommandation culturelle. T'es en train de regarder là? Eh oui, il a ses notes. Il a ses notes. Moi j'ai. Tu veux du temps encore pour trouver? Ouais. Alors, moi il y a une série que j'ai commencé à regarder sur les conseils de Sébastien Thoen. Okay. Vrai voisin, faux ami. Sur Apple TV. Et c'est avec comment il s'appelle ce comédien qui est super qui joue dans la série Madness là tu vois. Vianney. Non, c'est pas Madness ou Mad Men. Mad Men. Ah comment il s'appelle le gars? Ah, John Hamm. John Hamm, ouais. John Hamm, super. Ah ouais. Oh, je l'adore. Et le pitch est super, c'est un mec qui est divorcé, ils sont dans une banlieue très chic de New York, enfin tout le monde, c'est que des baraques de millionnaires, milliardaires, machin. Il a un boulot de ouf. Il est courtier, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et il est divorcé avec une actrice que j'ai été trop content de revoir, qui est la très jolie fille dans Mon voisin le tueur, l'assistante dentaire de Mathieu Perret dans Mon voisin le tueur. Oui, tu vois. Ouais. Il est divorcé de cette femme, il a deux enfants et il vient de divorcer parce que il a vu que sa femme avait une aventure avec un mec qui habite dans le même quartier, c'est un quartier de richoux. Et il se fait virer. Et donc du coup, comme il veut pas perdre son niveau de vie, parce que il y a une intro sur comment on construit sa vie d'adulte, tu vas à la fac, t'as un appartement de merde, tu rencontres la fille avec qui tu veux passer ta vie, t'achètes un petit appartement, tu t'endettes. Et il y a tout le truc de l'évolution de où tu vois qu'en fait, ouais, exact. Il s'endette et que ça parle vachement de consommation et tout, que en gros, t'es toujours en train de courir après la thune et que quand t'es enfin installé. Quand t'es enfin installé, tu divorces, tu perds la moitié, que du coup il regalère. Ouais. Et donc, comme il perd son boulot, ce qu'il fait, c'est qu'il va cambrioler, il va commencer à voler les maisons de ses voisins, de ses amis. Et il y a Olivia Munn qui est dedans. Oui, bien sûr. Qui est super, qui joue sa maîtresse. C'est Amanda Pitt qu'on a vu dans la série. Amanda Pitt, excellente actrice. Ouais. Ça se voit qu'elle est fraîche, juste son blaze. Non. Ah ouais, t'es génial. Mais Mon voisin le tueur, très très bon film. Et donc la série est vraiment bien parce qu'évidemment, il commence à voler petit à petit et tout. Et puis après, ça prend des proportions. Évidemment. Et puis il y a beaucoup. Ils sont forts, les ricains, je trouve. C'est comme le côté. C'est ce qu'ils avaient réussi sur White Lotus, c'est on filme des riches. on se fout de leur gueule quand même. On vous montre que c'est pas si cool que ça d'être riche. Mais c'est fait par des gens qui sont riches. Donc ils connaissent les codes des gens riches, tu vois. Oui, oui, je vois très bien. Mais c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Très bien. Donc c'est sur Apple, effectivement. C'est donc vous avez My Canal, de comme ça, vous pouvez tomber très dessus. Adrie Miel, le bon miel d'abeille. Je comprends. Je comprends d'où tu viens. Écoute, moi, ça va être le podcast d'Alice Moitié, Alice Underground. On reçoit la semaine prochaine, on peut le dire. On peut le dire. Pas nous la dernière. Non, c'est l'avant-dernière. Et non. Et puis, de toute façon, c'est pas les dernières. Ah oui, il y a les trois. Il y a les trois là. Il y en a trois, et puis il y aura peut-être. Ça va être bien, super. Vous avez repéré la salle? Oui, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Ça le plaît. Ils étaient endeuillés quand ils ont appris. Oui, oui, c'était marrant à voir. C'était touchant. Ça vous a fait quelque chose? Des gens endeuillés quand ils ont appris la fin du film. Que ça s'arrêtait. J'ai vraiment entendu des gens dire ça me rend triste. Du trio, une personne par soir minimum. Ah, on est triste pour le podcast. Ouais, c'est touchant. Donc bref, Alice Moitié. Mais ça vous fait pas revoir votre prise de décision? Oh bah non. Bah puis surtout on sera des merdes quoi, parce qu'on est... Ah pardon, vous nous... Ah bah alors on est là. Vous avez payé vos places. En fait, on n'arrête pas. Allez. Bah il y a des chanteurs qui disent c'est la dernière tournée, tu sais. Ah non, mais revenir dans 5 ans, pourquoi pas? Et c'est un gros show qui se prépare. C'est un gros show généreux. C'est un gros show. Mais c'est pas avec 3 salles Playel que vous pouvez prendre votre retraite et aller aux Bahamas. Oh bah non, c'est avec 11 Zénith. Ça va. Il faut doubler les séances. Je vous l'ai dit, doubler les séances. Ça c'est complètement fou. Quand je suis allé le voir au trio là, 16h30. Ah t'es allé à une doublette? Je suis allé à une doublette. Ils hurlent pendant 2h30 et une quoi heure. Non, ça, je pense pas. Et une heure après ils rejouent. Là, moi j'ai été épuisé en tant que spectateur. 4h30 de spectacle. D'où tu refais un spectacle derrière? C'est vous étiez meilleur sur laquelle? La deuxième, il y a un petit lâcher prise qui est assez savoureux. Ouais, il est déjà à 16h le lâcher prise. Ouais, il est bien. Mais c'est encore pire. Ah ouais, d'accord. Non, souvent, ouais. Non, mais on en a fait 7 représentations en 5 jours. Pardon, Adrien, excuse-nous. Donc, tu as les coupes de casse d'Alice Moitié. Voilà, bah, qui est aussi sur YouTube d'ailleurs. Qui est aussi sur YouTube. C'est la photographe, c'est ça? C'est ça. Entre autres, ouais. Entre autres, oui. Eh bien, c'est et d'ailleurs, moi, arrêtez de faire des. J'adore ce podcast. Mais je trouve qu'il faut arrêter de faire des podcasts filmés. Oui. Parce que tu les écoutes et les gens ils disent oh alors là désolé pour les gens qui écoutent mais là je suis en train de faire un truc trop marrant. Oui bon bah fais chier en fait quoi. Ouais, il va mal vieillir. Je suis en train de mal vieillir depuis 15 ans. Mais ça c'est vrai, le mime Marceau il a jamais fait les grosses têtes. Non, mais voilà. C'est complètement débile, tu vois. Ok, il a jamais invité le mime Marceau, il est pas con. Non, mais en plus je pense que les gens pensent quand ça existe que... sur YouTube, je me dis bah je le materai sur YouTube et du coup je le mate jamais. Oui, mais moi, le podcast de Alice, là, je l'ai commencé parce qu'on va la recevoir et tout, mais je me disais, oui, bon, je materai sur YouTube, et au final, je trouve jamais le temps de mater, alors qu'en podcast, si c'est que comme mais ça. Mais oui, mais les trucs de Castello aussi, on peut les mater. Oui, c'est vrai, trop agréable. Ouais. Bah, en fait, moi, Castello, je vois pas trop l'intérêt parce que c'est un champ contre champ de gens qui parlent. Alice, il y a, c'est vrai. Ouais. Non, mais comme nous, c'est pareil que nous, en fait. Mais Alice, il y a une mise en scène et tout. Donc, il y a un peu un truc visuel. Ouais, bien sûr. Mais bon. Mais c'est hyper marrant. Alice, elle est hyper drôle et je trouve qu'elle c'est une super intervieweuse quoi. Ah ouais. Je trouve qu'elle est vachement elle s'intéresse beaucoup, elle s'intéresse, elle a un point de vue elle qui est assez particulier sur les choses, la vie, etc. Elle a un petit univers, je pense qu'on peut déjà dire non, ça mais, et en même temps oui mais pas que parce que oui, ça c'est chiant quoi. Incluant, c'est juste petit univers, moi ça me gave, mais là en l'occurrence je trouve que ça s'accompagne d'un vrai point de vue intelligent sur plein de sujets et sur la vie en général. Et elle a reçu qui là déjà, parce que des fois dans les podcasts avec des invités, ça que j'aime bien, tu peux entrer dans un univers via un invité que t'aimes bien. Et ben, il y a plein de gens qui écoutent le podcast parce qu'ils voulaient écouter Pierre Ninet ou d'autres gens, et j'aime bien quand ça fait comme ça. Bah, elle a reçu là jusqu'à présent, je peut-être en oublier, il y a eu Paul de Saint-Cernin, Bilal Hassani, voilà. Panayotis. Oui, je crois que le Panayotis Pasco c'était le premier. Ouais, Léopold l'a fait, mais je sais pas si c'est sorti. Il est pas sorti, je crois. Ouais, mais en tout cas, c'est très marrant. Mais même vous, moi, il y a des Floodcasts que j'ai réécouté 5, 6, 7 fois. Il aime beaucoup les épisodes avec Pio Marmaille. Ah, Pio Marmaille, c'est très très bien. Bah, non, mais celui avec Joko, le drapeau en Berne. C'est Stéphane Berne. Enfin, celui-là, il est génial cet épisode. Il y en a des super, il y en a des très très bien. Pio Marmaille qui met Kramzy, il est fou. Bah, oui. Pio Marmaille qui, quand il envoie des audios à Adrien, se présente en tant que druide Marmaille. Oui. Il dit bonjour, c'est druide Marmaille. Salut, c'est druide Marmaille. Moi, tu sais où me trouver, je suis dans la forêt. Non, mais vraiment, il la rend. Ouais. Je vais rebondir, moi, quant à moi, parce que j'ai deux Ok, Tigrou. Quoi. Il bondissait. Ah sur oui, sa queue, oui, évidemment. Évidemment. Boréka, Boréka. Non, pas du tout. Bon, là, c'est, ah c'est oui, Guillaume Batz. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça que tu imites Guillaume Batz. Il est pas mort. Hein. C'est le spoil de la fin du Zénith qui revient. Ouais, c'est vrai. Killer Dodan, il fait coucou. C'est fou. Non, sacré Guigui. Thierry, ça reste ça ou... Non, c'est pas vrai. D'accord. Thierry, c'est ouhou. Dis donc. Oui, comment ça va? Comment ça va? Oui, tu sais, il avait un gros cheveu sur la langue. Ah, ouais ah bah, de ouf. Ok. Évidemment. Excusez-moi, mais je voulais faire... faire une blague. Non, je voulais faire. Non, tu fais ta tête de je me retiens. Il était à côté. Oui? Non, je pensais à autre truc. Ok, d'accord, très bien. Persillet. Ah, oui, ça, c'est Bourville. Oh, putain. Alors, donc, c'était deux spectacles que je voulais proposer. Rien à voir. Je voulais proposer deux spectacles. C'est Léopold Le Marchand. Ah, ouais, oui. Léopold Le Marchand m'a fait beaucoup avec son spectacle. C'est très absurde, très bête. Il joue beaucoup. Je pense que ça peut te plaire, Baptiste. Je sais, tu m'as raconté deux, trois blagues, j'étais mort de rire. Avec des lancements très courts de. Justement, j'ai l'impression que c'était un truc qui se faisait beaucoup à une époque, qui s'est complètement arrêté avec le stand-up, où ça valait juste un micro et des blagues. Et là, il y a pas que lui, mais il y a plein de gens, mais il y a ce retour. Mais toi, tu fais aussi ça, Alison. C'est un spectacle un peu complet. Tu vois, il y a de la chanson, il y a des trucs, ouais. Tu joues avec l'écran, tu joues avec des trucs. Ça, et j'aime lui, bien ça. Et voilà, et lui, il y a beaucoup ça aussi. Mais viens, toi. Bah, invite-moi. Ça donne envie quand j'agresse. Ouais, franchement, là, ça peut me parler plus que la gentillesse, malheureusement. Et voilà, et Léopold, c'est très drôle, c'est très absurde. Si vous l'avez entendu plein de fois dans le podcast, c'est son univers sur scène. Mais moi, il m'a vraiment provoqué des fous rires. Et je suis toujours très stressé d'aller voir des gens que je connais. Oui. En spectacle, ouais. Vraiment, et j'ai pas le rire. C'est pas parce que c'est des copains que je vais rire, vraiment. Mmh. Et là, vraiment, j'ai beaucoup rigolé. Donc... Tu sais faire le rire showbiz. Oh bah non, parce que mon vrai rire, c'est une voiture. Bah, c'est hurler, bah, c'est facile. Ça. Tu fais ça et c'est ton rire, quoi. Bah ouais, mais justement, ça, les ça c'est là. Un des inconvénients du Zénith. C'est que si on avait été dans une salle plus intime, j'aurais su si t'avais rigolé ou pas. Là, je savais pas si tu pouvais rigoler oui, ou pas. Oui, parce que la salle était géante. Oh, ça va, oh là là, ça va, mais ça, c'est un des désavantages. Ça, c'est un des désavantages. C'est ça. C'est comme la vasectomie, comme j'ai une trop grosse bite. Le mec, il s'est fait un gros canal. J'ai un gros canal. Il s'est pété le pouce sur mon canal, le mec. Donc, et sinon, un autre spectacle qui, pour le coup, est accessible à plus de gens, parce qu'il est sur Netflix, c'est le dernier spectacle de Sarah Silverman qui s'appelle Postmortem, qui est le spectacle. Alors c'est assez intéressant parce que Sarah Silverman, elle est très trash, ouais. Elle est très vénère, et là c'est son spectacle le plus tendre. Ah ouais. Et qui est lié au, alors de façon voilà dramatique, mais qui est lié au décès de ses deux parents, okay. qui sont morts coup sur coup. Ça va, les blagues sur les parents. En tout cas là c'est un spectacle où c'est beaucoup, elle donne des anecdotes sur des gens qu'on connaît pas. J'ai lu un peu cette critique là où des gens disaient bon, bah c'est bien mignon, mais on les connaît pas, tes parents. Ouais. Mais moi, je sais pas, ça m'a parlé, j'ai trouvé ça super beau. Tu sens que voilà, c'est un hommage qu'elle donne à ses deux parents. Alors, c'est pas vraiment ses deux parents. Elle parle aussi de sa mère qui est morte, elle, pour le coup, il y a des années, mais c'est sa belle-mère, sa belle-mère dont elle était aussi proche que sa propre mère. Et elle raconte tout ça. Il y a aussi des très bonnes blagues autour parce qu'elle est très très drôle. Et c'est sur Netflix, ça dure un petit peu plus d'une heure. Quel âge elle a, Sarah Silverman maintenant? Je sais pas, elle a la cinquantaine, hein, je pense. Elle est très drôle. Qu'est-ce qu'elle est forte. Et voilà, elle est très très drôle. C'est sur Netflix, Sarah Silverman Postmortem. Je vous conseille de regarder ça. Alison, j'ai vu partir un jour. Oh, ça a dû, t'as dû adorer. Écoute, c'est fait pour moi. Oh, bah bien sûr, faut que tu fasses ça, toi. Oh. Tu joues dedans. Je l'ai dit, je l'ai dit aux gens de Nolita qu'il faudrait que tu fasses un truc comme ça. Bah bien sûr. Non, j'aime le cast. Il est vraiment très séduisant, Bastien Bouillon, au-delà d'être très talentueux. Bien sûr. Pas au-delà d'ailleurs, ouais. Même niveau. Et j'aime trop l'histoire, ça joue sur la nostalgie, c'est très 90. Mm. Tu reviens là où t'as grandi et tu retrouves tes potes d'enfance et tu te dis, mais et si j'avais fait les choses autrement? Ouais. Mais le film est drôle, il y a mais des oui. vrais moments drôles. Ça joue bien. Armanet, elle envoie du steak, elle joue cette meuf. Ah oui, elle est forte. Bon, de toute façon, j'en doutais pas tant en la voyant sur scène, mais bien sûr. Top Shot, c'est vraiment des jeunes producteurs aussi très en vogue à Paris qui sont ultra appréciés de plein de gens, et ils ont une façon de travailler qui est assez chouette. Mm. Donc c'est cool de voir qu'il y a aussi une nouvelle génération. Tu vois, on est tout le temps en train de dire ah, il y a tel gars qui arrive, tel artiste, machin. Il y a des producteurs aussi qui sont Nolita en fait partie aussi. Il y a vraiment eux, ils sont vraiment très très très. Et cool. Faut pas lâcher les comédies musicales, même mais si non. C'est non, vivant. Ils vont pas lâcher. C'est normal, c'est comme l'humour, c'est dur de faire rire, c'est dur de faire danser. Mais en fait, je pense que à mon avis, il y a un truc psychologique de si tu vois de la chanson dans la bande-annonce, tu te dis oh putain, ça va chanter pendant tout le film quoi. C'est ça, exact. Je pense c'est que ça. Alors qu'en vrai, j'imagine que non. Ouais. Mais le souci aussi, c'est que des films en comédie musicale, quand c'est raté, c'est vraiment Joker 2. Ouais. C'était j'ai une pas catastrophe. Vu, alors que c'est catastrophe, totalement une catastrophe. Un cours de musique le vendredi à 15h, tu regardes ta montre, c'est un enfer. Non, mais quand c'est raté, c'est vraiment chiant. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut. Oui, puis là, il y a un petit truc nostalgique qui a l'air très cool. Ouais, ça, ouais, ça ressemble envie, plus au film ça, de c'est très, très Alain bien, René, là, on connaît la chanson. Ah, ouais, bien sûr. Je trouve que c'est plus cette ambiance-là que sur le modèle anglo-saxon qui est trop, de toute façon trop haut pour nous. Mais on connaît la chanson, c'est vraiment très court les parties où il chante. C'est vraiment très très court. Là, c'est un peu plus long. Plein de petits extraits. Donc, oui, Partir un jour d'Amélie Bonin, voilà. Ouais. Voilà, réalisé et écrit par elle. Et avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin, Dominique Blanc. Dominique Blanc, voilà. Donc, plein de gens super. N'hésitez pas à aller voir ce cinéma. Moi, j'ai toujours pas vu. Toufik Djalab. Et oui, bien sûr. Extraordinaire. Qu'est-ce que je l'aime, celui-là. Qu'est-ce que je l'aime, lui aussi. Mignon. Quel acteur. Mais au cinéma, ok, il y a Partir un jour. Oh. Mais il y a quoi bientôt? Eh ben, Avignon. On parle, oui. On est là pour ça en plus. Mais évidemment. Avignon. Comment tu me parles, toi? Attends, je t'ai fait un cassoulet. De Johan Dionnet, film très drôle que j'ai eu la chance de voir et qui est hilarant. Ah, après, tu l'as vu? Mais bien, mais je t'ai envoyé un texto à Alison Wheeler où je t'ai fait. Il a été à une projo-test, il est pas mignon, lui? Je suis allé à une projo-test et. On a testé sur toi? Ouais, t'as fait tes petits retours? J'ai fait mes petits retours. J'aurais pas monté ça comme ça. Non, il m'a... non j'ai dit 2-3 trucs. Je sais pas ce qui a été gardé ou pas dans ce que j'ai dit, mais vu que c'est produit par Nolita, qu'on produit Nous les Leroy, que j'ai fait également. Et puis après, là pour le coup, c'est marrant, ce que je dis dans le spectacle s'applique peut-être moins au cinéma. Là, il y a que des acteurs que j'adore, qui s'avèrent être des gens que je connais, mais c'est aussi des acteurs que j'adore parce que il y a Alison Wheeler que j'adore, il y a Basile Cabal que j'adore, il y a Lies Salem. Bah oui, et donc quoi, Lies Salem que j'adore, qui est un acteur exceptionnel, qui était aussi dans Nous les Leroy, et qui est un mec très drôle, très fort, qui est aussi un très grand réalisateur. Enfin, j'adore ses films, que je vous invite à regarder, et qui est super dans le film. C'est un tueur, le Lies. Tout le monde, en fait, il y a un vrai truc cool de troupe pour pitcher vite fait le film. C'est un film sur le monde du théâtre à Avignon. Mais alors, ça, c'est le vrai truc que je tiens à dire aux gens, parce que peut-être justement, on parle de comment vendre des films. Alison Wheeler, regarde-moi droit dans les yeux. On parle de comment vendre les films. On s'en bat les couilles si vous connaissez le théâtre ou pas, parce que c'est pas vraiment ce que ça raconte. Non, mais comme toujours, c'est la reine, mais c'est pas l'histoire. Quoi. Exactement. Moi, ça m'a vraiment fait penser à des. Alors, à des je suis toujours dans le game. Comédie romantique qu'il y avait à l'époque. Je pense à Prête-moi ta main, je pense à L'Arnaqueur, avec trucs un peu mignons où la reine. L'âge d'or. L'âge d'or des comédies romantiques françaises. Et tu seras cocu avant moi. Et c'est vraiment un film très drôle, très mignon, et effectivement qui raconte aussi un truc vachement cool sur sa place dans un groupe, puisqu'en fait l'idée c'est que Baptiste, je pitch tout à ta place, Baptiste, mais ouais, ça me passe très bien. C'est Baptiste avec Alison et d'autres gens, dont Lies, qui est le metteur en scène, font des comédies de boulevard qui, sur le papier, peuvent même être un peu cringe, tu vois, genre Papa est dans le placard ou des choses comme ça. La comédie, elle s'appelle Ma sœur s'incruste. Voilà, Ma sœur s'incruste, et il joue à Avignon cette pièce. Et lui retombe sur une meuf qu'il a connue quand il était étudiant, dont il est amoureux. Qui vient d'avoir le Molière. Okay. Qui elle joue le. Pas le Cid, pas du tout. Elle qui joue Ruy Blas. Ruy Blas. Et toi, tu fais genre. Et je lui, joue il fait le genre Cid. Qu'il joue le Cid et il doit cacher. Non, mais elle croit que je joue le. Le Cid et tu. Je lui mens pas. Et comme. En fait, le truc d'Avignon, c'est que tu te fais démarcher par plein de gens. Il y a quelqu'un qui vient, le couple pour les nuls, on vient lui donner un tract. Elle dit, ah, le couple pour les nuls, ça c'est un enfer. Et donc il se dit, bon, bah c'est mort, je vais jamais plaire à cette fille parce que je vais avoir un truc qu'elle va me prendre pour un ringard. Et elle croit que je joue dans le CID. Et moi, du coup, je vais pas mentir parce que en fait, elle me dit, je joue tous les jours, je pourrais jamais venir te voir jouer, c'est dommage. Ouais. Dit, ah, bah, il dit juste, ah, bah c'est con, c'est une très jolie pièce. Ouais, ok. Et donc il va faire croire tout le festival d'Avignon qu'il joue dans le CID. Donc il va mentir quand même. Il va mentir. Il va finir par mentir. Mais il va jouer du quiproquo. Et il y a tous ses potes qui vont un peu l'aider. Après, ça raconte, il y a plein de sous-intrigues. Alison a son histoire de couple aussi dans le film. Il y a plein de choses sur comment chacun se positionne sur justement sa place et avoir honte de qui on est, etc. Et ça, c'est vraiment marrant sur le monde de l'humour. Moi, c'est le truc qui m'a le plus touché. Il y a une scène que je vais pas spoiler parce qu'en plus, c'est un gros truc, mais voilà, où ces deux mondes s'affrontent. Okay. Et c'est super touchant sur. Des fois, on se sent pas assez bien, pas assez cultivé, pas assez classe. On est tous complexés. Exactement. Mmh. Et c'est ces trucs qui s'affrontent et c'est super mignon. Et Elisa super... Erka dans le rôle de la femme dont tu tombes. De Fanny, ouais. Non, mais... Le casting est très très frais et Alison Wheeler, on la voit enfin à sa juste valeur au cinéma et j'espère qu'on va la voir encore plus parce que non mais j'ai adoré tourner encore avec plus. Toi j'ai adoré cinéma. Jouer ton meilleur qu'est-ce pote qu'est-ce qu'on a ri on a bien rigolé non mais il y a plein de gens on s'est confié le cast est vraiment super Rudy Milstein qui est très marrant mon petit crush aussi évidemment Yoann Jenner qui joue aussi dedans Armorit Criancourt qu'on a envie de gifler et c'est il le fait très bien c'est le mec le plus à l'opposé de son personnage c'est vrai. Et il est adorable. Il y a Constance Carlet. Il y a plein de comédiens dont je ne connais pas le nom, mais des fois ont une réplique qui sont très marrants. Ouais. Justement, le metteur en scène de Ruy Blas, sur lequel tu tombes plusieurs fois, c'est hilarant. Enfin voilà, c'est une vraie galerie d'acteurs. Mais c'est des comédiens qui ils se connaissent tous du théâtre. Il y en a beaucoup qui ont joué dans les pièces d'Alexis Michalik. C'est la bande de Johan en ce moment. Parce que Johan Dionel, réalisateur, scénariste, a fait beaucoup de théâtre dans sa vie. Comme toi quand t'as fait ton film. Oui, t'as pris ta bande. Mais il y a un truc de bande, il y a un truc de. Et c'est ça, même ça, et ça fait partie du plaisir que tu prends à regarder le film, qui est une comédie romantique très mignonne. Allez-y avec vos dates, crush, putain, ça c'est un film Mignon, le film. Il est très mignon, très drôle. C'est un film très drôle. Et n'hésitez pas, ça s'appelle Avignon, c'est au cinéma. Pas ce mercredi-là, celui d'après. Celui d'après. Qu'est-ce qui sort en face? Il y a 28 ans plus tard. Oh, bon, ça va, c'est bon. Danny Boyle. Ah, je croyais que tu allais nous reparler de 20 ans d'écart. J'allais dire, mais cale l'affaire, mon pote. Mais j'en ai rien à foutre, mais qu'est-ce que j'en ai à branler? Va le lancer là-dessus. Mais oui, parce que c'est les journalistes qui 20 ans d'écart à l'époque. Je vais attendre tout le monde lui en parle. Je vais refuser deux fois. Mais j'ai refusé la vie d'Adèle, est-ce que j'en fais tout un point? Qu'est-ce que t'as refusé encore? Rien, je refuse rien, moi je dis oui à tout. T'as refusé une galoche au batteur de Kyo. En plus, c'est le plus frais. Donc voilà, ça s'appelle Avignon. Merci beaucoup Alison, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de vous avoir reçu peu de temps avant la fin là. Un ça honneur fait plaisir de venir que vous êtes venu tellement dans souvent. Les dernières. Mais vous étiez là, pas les premières, vous étiez là assez tôt hein, quand même, hein, saison 5 je dirais, un truc comme ça. Donc même avant, parce que c'était avant le Covid. La moitié donc, quand même, bonne moitié. Bonne moitié, Alice moitié, Pas podcast. Sitôt. T'embrasse. Ouais. Despacito. Donc voilà, merci beaucoup. Il y a aussi ton spectacle, Alison, je le répète, tu fais plein de grandes salles en fin d'année. Et blindé, dépêchez-vous, janvier, bordel de gueule. Il y a du Sébastopol, il y a Bordeaux. Il y a le Grand Rex surtout. Tu captes au Grand Rex? Non, je capte à Bordeaux. Ah, au Fémina, bien joué. Les Bordelais, t'es en Edge. Hein? Elle est en Edge. Elle capte à Bordeaux. Elle capte pas. Attendez, on va se finir là-dessus. Alors, un applaudissement et je vous remercie d'avoir écouté ce Floodcast. Oh. Au revoir. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.